demain, samedi, toujours 28 à 34 degrés annoncés et quelques nuages quand même du côté de l'ouest de la Belgique. Dimanche, possibilité d'un coup de tonnerre parce que plus de nuages en soirée, mais on garde toujours cette température et ce temps caniculaire. Voilà, on peut le dire, oui. Vous écoutez Vivacité, il est 17h, les titres de votre journal avec Manu Delporte. Bonsoir. Bonsoir. De moins en moins de chances de retrouver des survivants 38 heures après le drame en Italie. Le tremblement de terre a fait plus de 240 victimes. La Croix-Rouge belge lance un appel à l'aide financière pour soutenir la Croix-Rouge italienne. Et on se pose des questions aujourd'hui. Tout est-il mis en œuvre en Italie pour limiter l'importance des dégâts? Nous joindrons dans un instant un ingénieur spécialisé dans les constructions antisismique. Journée record à la mer aujourd'hui, la SNCB n'avait jamais transporté autant de monde à la côte que ce jeudi. Le littoral d'ailleurs n'a plus connu une telle affluence depuis très longtemps. Il faut dire qu'il fait vraiment très très beau ces jours-ci. C'est la première année depuis 10 ans que nous avons vraiment ce beau temps et donc les enfants peuvent aller dans la mer. Et donc voilà, on en profite, oui. Nous irons à la panne dans ce journal. On reviendra aussi sur la mort de Sonia Riquiel, styliste française renommée qui a créé un style dans les années 70, une personnalité. Et puis nous irons à Francorchamps respirer l'ambiance qui monte du bitume avant le Grand Prix. Et nous parlerons aussi de la rentrée à Viva qui ne rimera pas seulement avec Ophélie Fontana. Le journal sans vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. D'abord donc l'Italie, où le bilan, comme on le craignait, s'est encore sérieusement alourdi depuis hier. Oui, on évoque maintenant plus de 240 victimes et ça reste encore un bilan provisoire, même si les chances de retrouver des survivants sur place se font de plus en plus minces. Alice Wavreille et Ariane Druffran sont sur place. Pour l'instant, là-bas, on évalue les dégâts. Il vient de Rome, mais à Pescare del Tronto, Bruno connaît tout le monde. Ses vacances, c'est ici qu'il les passe depuis des années. Là, c'est ma maison. Elle est détruite, coupée en deux. Je n'ai plus que ma voiture. Ses enfants et sa femme sont sains et saufs. Un soulagement, mais de courte durée, quand il pense au bilan très lourd du village. Il y a au moins 40 personnes qui sont mortes ici. Des enfants, des adultes, femmes et hommes, incroyables. Autour de nous, une odeur de gaz. Et un peu plus loin, les secouristes fouillent encore les décombres. Casque sur la tête, stéthoscope autour du cou, Claudio est docteur et sur le pont depuis hier. Il a peu d'espoir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on retrouvera quelqu'un de vivant. Les gens de ce village sont soit vivants, soit morts. J'espère toujours quand même. Le temps presse, c'est une véritable course contre la montre pour les sauveteurs. Pas de Belges parmi les victimes en Italie, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. La Belgique qui propose son aide, les équipes Bifast pourraient partir, en tout cas si l'Italie le demande, ce n'est pas le cas pour l'instant. La Belgique en tout cas veut témoigner sa solidarité envers les Italiens, le cas échéant c'est l'Europe qui pourrait organiser l'aide internationale. La Croix-Rouge de Belgique, elle, a ouvert un numéro de compte d'urgence pour les dons, des dons uniquement financiers pour payer du matériel pour la Croix-Rouge italienne sur place. Il faut dire qu'elle est à pied d'œuvre depuis le début, comme le souligne Nancy Ferroni, la porte-parole de la Croix-Rouge en Belgique. La Croix-Rouge italienne est sur le terrain depuis le début de la catastrophe avec plus de 400 secouristes et des moyens d'intervention d'urgence. Il y a par exemple des cuisines mobiles qui ont été installées dans les villes sinistrées pour fournir de la subsistance aux gens qui ont absolument tout perdu dans le séisme. Donc l'argent, par exemple, peut servir à acheter des vivres très concrètement pour nourrir les personnes qui en ont besoin, acheter du matériel de première nécessité comme des kits de cuisine par exemple pour se rééquiper un minimum pour pouvoir faire des repas soi-même, des kits d'hygiène aussi pour prendre soin de soi. Donc c'est à ça que ça sert en cas de catastrophe, les appels aux dons d'urgence. Nancy Ferroni de la Croix-Rouge Belgique avec Myriam Ball. Le numéro est le BE 72 8x0 16 16. Et aujourd'hui, donc 38 heures après le drame, on se pose des questions. L'Italie est une zone à risque. Il y a déjà eu des tremblements de terre en Émilie-Romagne, à L'Aquila, avant cela d'autres très meurtriers à Naples dans les années 80. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, on prévoit les tornades, les typhons, l'activité volcanique, les vagues de chaud, de froid, mais pas encore les tremblements de terre. Selim Datoussaïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, professeur à la faculté polytechnique de l'Université de Mons, spécialisé dans les constructions antisismiques. Avant de parler de la façon dont on peut peut-être limiter la casse, un mot sur ces prévisions. C'est impossible aujourd'hui de prévoir un séisme ? Malheureusement, ce n'est pas encore possible de prédire un séisme. En fait, ça se passe à des profondeurs qui sont jusqu'à 30-40 km en dessous de la surface du sol, et donc on ne sait pas aller voir vraiment ce qui s'y passe. Donc on ne sait pas encore prédire quand on va apparaître un séisme. Bon, alors on sait par contre qu'on est dans une zone à risque. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer en Italie des constructions adaptées, justement ? Vous êtes spécialiste des constructions antisismiques. Oui, tout à fait. Et j'avoue que tous ces pays-là, donc le Japon, l'Italie, ce sont des spécialistes dans le domaine du sismique. Donc ils savent très bien concevoir des bâtiments. Il y a des normes qui existent, il y a des manières de les réaliser, et tout ça est utilisé tous les jours dans ce genre de pays. Mmh. Alors ici, on a des villages médiévaux, on a vu les images, hein, ce sont de ouais. Vieilles maisons en pierre. Bon, sur ce coup-là, on ne peut pas faire grand-chose, mais on entend aussi parler d'un hôpital qui est effondré, d'un hôtel qui est effondré. Ce ne sont pas des vieilles constructions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un laisser-aller en Italie par rapport aux constructions antisismiques ? C'est un peu ce qui s'était passé à L'Aquila, hein, après les enquêtes, où on s'est rendu compte que ben il y a eu des malfaçons, des mauvais emplois de matériaux qui n'ont pas été mis correctement, tout n'a pas été respecté. Donc c'est peut-être le cas, mais bon, ça je ne saurais pas m'avancer puisque je ne suis pas là-bas et je ne vois que des photos. Pour les anciens bâtiments, ça c'est parfois aussi un manque d'entretien. Oui, mais comment est-ce qu'on peut entretenir un vieux bâtiment et essayer de limiter la casse ? Mais en fait, il faut relier, en fait, c'est relier tous les éléments. Et donc, quand vous avez une fissure qui apparaît dans un bâtiment, ou bien des mortiers qui s'en vont à cause de l'eau de ruissellement, mais il faut les réparer. Il faut refaire tout ce qu'on appelle les chaînages. Oui, des conseils qui pourraient donc être valables aussi en Belgique, en cas d'activité sismique en Belgique. Oui, s'il y a un séisme en Belgique, bon, on s'attend à avoir un déplacement horizontal du sol de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Eh bien, si votre bâtiment est mal entretenu, si le chaînage n'est mal réalisé, bien, on peut avoir ce même effet. Oui, Selim Datoussaïd, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Mons, spécialiste des constructions antisismiques. C'est pas que je vous flique, mais où étiez-vous aujourd'hui ? Ben, vous étiez à la mer, vous, moi, tout le monde. Pas mal de difficultés d'ailleurs pour rejoindre la côte, que ce soit Ostende ou La Panne aujourd'hui. Les routes étaient assez encombrées, des records de fréquentation aussi pour les trains. La SNCB avait renforcé son offre. Aujourd'hui, 29 500 personnes ont pris le train pour une des gares de la côte. C'est un record. 17 000 voyageurs à Ostende, 10 000 à Blankenberg. La SNCB qui renforce aussi son offre pour le week-end. Et à la côte, eh bien, on se frotte les mains. C'est le meilleur été depuis 10 ans dans nos stations balnéaires. Simon Gérard et Caroline Lanswer ont pu s'en rendre compte parce qu'eux, ils sont vraiment allés à la panne aujourd'hui. Et vous étiez d'ailleurs très nombreux à profiter de la brise marine et de l'air un petit peu plus respirable qu'au centre du pays. Des châteaux de sable. On est en train de construire une piscine, jeter des boulots de sable. Et oui, il y a plein de choses à faire à la mer. Seau et pelle à la main, les enfants s'éclatent dans le sable. Voilà maintenant plusieurs jours qu'il y a un grand soleil ici. Vanessa vient chaque année avec toute sa famille. La panne à plus de 25 degrés sans nuages, c'est très très rare. C'est la première année depuis 10 ans que nous avons vraiment ce beau temps et donc les enfants peuvent aller dans la mer. Et donc voilà, on en profite, oui. Évidemment, avec un soleil comme ça, la mer, ça attire. Nous sommes en pleine semaine, mais une forêt de parasols a déjà poussé sur la plage. Celui qui a planté tout ça, c'est Dany. Il s'occupe de la location de Transat et ces derniers jours ont été très chargés pour lui. Je suis venu à 6h moins quart pour installer tout. Et vous repartez à quelle heure ? 9h moins quart. Du soir ? Du soir, oui. Beaucoup de boulot donc pour les saisonniers. Il faut dire que l'été a été plutôt bon à la côte. Il n'est pas encore terminé, mais il pourrait être l'un des meilleurs étés depuis 2006. Mais attention, trop chaud selon Alexis qui est cafetier sur la digue. Trop chaud, ça n'est pas forcément bon pour le commerce. Il y a quand même beaucoup de gens qui restent sur la plage et les pensionnés ils sortent moins. Trop chaud, c'est pas bien. Ça, c'est sûr. Ce week-end, on attend encore plus de monde. Plus de 400 000 personnes sont attendues ce dimanche à la côte. Une première à Singapour, le premier taxi sans chauffeur a effectué un trajet test dans un quartier d'affaires. Nu Tomoni, c'est le nom de l'entreprise qui le commercialise, annonce le lancement officiel du service pour 2018. Alors notez que pour ce premier test public, un ingénieur était assis derrière le volant pour contrôler le système et prendre le contrôle justement si nécessaire. C'était une vraie figure de la mode parisienne. Une chevelure rousse flamboyante, des yeux verts incroyable, c'était Sonia Riquiel. La styliste est décédée à l'âge de 86 ans. Anne-Françoise Moison du magazine Elle Belgique l'a rencontrée plusieurs fois. Elle évoque cette Parisienne décomplexée. C'est en tout cas une créatrice qui compte et qui a vraiment changé le regard sur la mode. Simplement parce qu'elle a toujours fait les choses de manière très très spontanée et très instinctive. Ce qui veut dire qu'en réalité, elle n'était pas du tout faite pour faire de la mode. Elle venait d'une famille où les femmes ne travaillaient pas. Et puis quand elle tombe enceinte, au milieu des années 50, ce qu'elle trouve dans les boutiques ne lui convient pas. Et elle se dit, bon ben je vais me faire quelque chose. Et elle se fait un pullover et puis tout de suite, il y a un emballement autour de ce qu'elle se fait. Elle fait la couverture du L et puis on la baptise Reine de la Maille, qui est un titre qu'elle gardera toute sa vie. Parce que vraiment, elle a révolutionné la maille et du coup la garde-robe des femmes en les libérant forcément. Elle tourne ses pullovers, donc on voit les coutures par exemple. Elle enlève les épaulettes. Quand moi je pense à Sonia Riquiel, j'entends la chanson de Ferré qui dit « T'es toute nue sous ton pull, il y a la rue qui est ma boule ». C'est, pour moi, c'est vraiment l'image de Sonia Riquiel. En sport, match de barrage retour de l'Europa League pour Anderlecht ce soir. Oui, les Mauves reçoivent le Slavia Prague. Ils partent avec 3 buts d'avance. Ça devrait aller pour eux. C'est à suivre à Vivacité dès 20h. À suivre aussi le but par but Genk contre Lokomotiv Zagreb et la Gantoise face à Skendia. C'est en Macédoine. En bref, Nafissa Toutiam, fête citoyenne d'honneur de sa commune La Bruyère en province de Namur. La championne olympique a été accueillie avec les honneurs, justement, 200 à 300 personnes l'ont applaudi ce matin lors d'une cérémonie officielle organisée pour elle. Et puis, on le disait hier, l'ambiance monte à Francorchamps. Les pilotes sont arrivés pour le Grand Prix de dimanche. Grosse affluence attendue. Les premiers spectateurs aussi, ceux qui ont acheté le billet pour les 4 jours, sont arrivés aussi. Pierre Capard, vous y êtes. Il fait beau, très beau, Pierre. Le circuit de Francorchamps, baigné de soleil, est donc prêt à accueillir le Grand Cirque de la Formule 1 dans son écrin de verdure, le plus beau circuit du monde séparé de ses plus beaux atours. Les motorhomes rutilants ont pris place dans les paddocks, les monoplaces sont déjà dans les stands et les pilotes sont enfin arrivés à Spa. Des pilotes qui, après un break estival, ont hâte d'en découdre sur la piste de ce qu'ils considèrent toujours comme le plus beau circuit du monde. Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen, Alonso et les autres stars de la F1 apprécient particulièrement l'Anneau Ardennais, un des circuits les plus rapides et les plus spectaculaires du calendrier. Le succès populaire est lui d'ores et déjà assuré. Plus de 70 000 tickets ont déjà été vendus et les guichets ont été pris d'assaut ce jeudi, des guichets qui resteront ouverts jusqu'à dimanche, jour du Grand Prix. Alors que les moteurs n'ont pas encore vrombi, plusieurs milliers de spectateurs ont déjà rejoint le circuit ce jeudi. Parmi ceux-ci, une majorité de Néerlandais présents pour Max Verstappen, le pilote Red Bull qui a 18 ans à peine a déjà remporté un Grand Prix cette saison. Même s'il faut bien l'avouer, le championnat largement dominé par les Mercedes n'est guère passionnant. Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 reste malgré tout la plus belle vitrine du circuit de Francorchamps et même du sport automobile belge, un circuit qui durant 3 jours va donc vibrer au rythme des bolides de la Formule 1. Merci Pierre. Cette fois c'est vraiment la fin des vacances, même Vivacité a fait sa rentrée. Oui, et il y a du neuf, de nouvelles voix en tout cas. Ophélie Fontana viendra vous rejoindre Cyril et dans le 5 à 7, vous en avez de la chance. Puis vous devez avoir un ticket avec elle hein, parce qu'elle nous rejoindra, elle vous rejoindra aussi dans le cube de Viva for Life. C'est du harcèlement vous savez. Elle remplacera Sébastien Nolvo, vous allez être bien entouré décidément hein, avec Sarah. Et puis elle reviendra aussi sur une image marquante de l'actualité dans une toute nouvelle émission, ça s'appelle La Semaine Viva. C'est le samedi de 13h à 14h, une émission pilotée par le journaliste Christophe Grandjean et l'animatrice Régine Dubois qui nous précise l'idée de cette nouvelle émission. L'idée de base, c'est de se dire on reçoit beaucoup d'infos, l'info ça va vite, il y a plein d'actualités qui nous sont livrées dans les journaux et forcément les journalistes n'ont pas toujours le temps d'aller au bout des choses et parfois à la fin d'un journal, on reste en suspens avec une question et on se dit mais tiens, pourquoi ou comment ou... Et donc l'idée c'est vraiment d'approfondir quelques thèmes. On aura à mon avis 3 questions par semaine sur lesquelles on reviendra et on essaiera de consulter vraiment des gens de terrain en fait. C'est-à-dire qu'on ira voir des spécialistes et on leur demandera d'expliquer de manière très concrète. On va sortir de la théorie pour aller dans le concret, la question, de répondre à la question de manière plus concrète que ce qu'on peut entendre quand ça va trop vite en fait. Régine Dubois avec Justine Hermans. La Semaine Viva, ça commence le samedi 17 septembre sur Vivacité. Et vous, vous restez bien évidemment tous les soirs avec nous. Je reste avec vous, je surveille avec Ophélie quelquefois que... Vous inquiétez pas, de ce côté-là, chacun ses mains de son côté, il ne se passera rien. Merci Manu, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On va faire un tour sur les routes, tout de suite c'est le RTBF Mobile Info. C'est David Godefroy qui est là depuis le centre Pérex. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Et deux accidents. Pour commencer, cet accident impliquant un camion sur le 25 Liège-Maastricht à hauteur de Cherat. La chaussée fermée vers les Pays-Bas. Camion sur le flanc également sur le 42 Baptiste-Prume à hauteur de Saint-Vite. Le passage s'effectue uniquement via la bande d'arrêt d'urgence en direction de l'Allemagne. Perte d'huile signalée dans l'échangeur de Grasse-Sologne dans la bretelle reliant le 42 venant de Liège à la 604 en direction de Serein. Accident impliquant plusieurs véhicules sur le 42 Mons-Liège à hauteur de Rhines. Les bandes droites et d'arrêt d'urgence sont neutralisées vers Liège. Un objet encombrant est signalé sur le 411 Bruxelles-Namur. Il s'agit d'une grande tôle peu avant Overace. La bande de droite est donc encombrée vers Namur. Sur le ring de Bruxelles, le tronçon le plus ralenti en circulation extérieure, Zaventem Grand Bigard, ajoutez une trentaine de minutes à votre trajet. Et puis un accident s'est produit sur le 40 Bruxelles-Ostende à hauteur d'Alter. La voie de décélération est neutralisée vers le littoral. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. On va le faire chaudement, mais on va le faire ce 5 à 7. Bienvenue tout le monde. J'espère que ça va, vous, que soit vous avez eu l'occasion de vous mettre un petit peu à l'abri, soit que vous avez tout ce qu'il faut pour vous hydrater, tout ça, tout ça. Ici, merci, les boss nous ont donné à boire, gratos. Ça fait plaisir, parce que d'habitude, ça nous ruine. Manu, quand il fait chaud comme ça, est-ce que vous avez une astuce pour ne pas transpirer trop? Je sais pas, je reste au frais, je crois que c'est le plus simple. C'est le plus simple. Pas d'effort, surtout pas d'effort. Surtout pas d'effort, ça c'est vrai. Que la direction tourne bien, pas d'effort de la part de Manu. Je dis ça parce qu'ici il fait chaud, en dehors du studio, il fait vraiment étouffant. Est-ce que vous avez des astuces pour éviter la transpiration? Il y a une chemise dont l'équipe dont on n'est pas des pigeons vous parlait ce midi, une chemise qui permet de ne pas transpirer, c'est-à-dire que rien ne se voit à travers cette chemise. Mais en même temps, votre corps respire quand même. Est-ce que vous avez des astuces, vous, pour ne pas trop transpirer? 3063 par SMS, ça peut être utile pour les prochains jours parce qu'on a entendu que la météo elle est restée chaude pour tout le week-end. Donc les SMS au 3063 avec vos astuces et puis je vous attends sur la page Facebook aussi 5 à 7 Vivacité RTBF. Rien à voir avec la chaleur, on va parler de panneaux de circulation, de signalisation dans un instant. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui on apprend que plus de 400 panneaux sont volés chaque année. Alors c'est quand même énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des panneaux de circulation? Est-ce que vous en avez déjà volé? Si oui, je suis intéressé de savoir ce que vous en avez fait. On fera un point dans quelques minutes sur Vivacité à propos de cette info qui est tombée aujourd'hui. On prendra la direction de Spa-Francorchamps, vous le savez, le Grand Prix. C'est ce week-end, il y avait Pierre Capard dans le journal il y a un instant. On le retrouvera pour savoir tout ce qu'il y a à vivre ce week-end et ce qui se passe déjà ce soir, puisque des visiteurs, des spectateurs sont déjà en train de regarder ce qui se déroule en ce moment à Spa-Francorchamps où toutes les équipes sont en train de s'installer. Je ne sais pas où vous allez dormir ce week-end, peut-être que vous prévoyez une petite virée, pourquoi pas chez Ikea? Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est pas que Ikea a prévu de vous faire dormir dans leur magasin, mais c'est que Bram et Florian, eux, se sont lancés ce défi de dormir chez Ikea. Et ils ont réussi. Alors, je vous dirai comment ils ont fait ça tout à l'heure dans le 5 à 7 sur Vivacité. Des cadeaux aussi au programme, plein de surprises jusqu'à 19h. Installez-vous, on est parti! Dis le vos. Où est les mens? Écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste. Et ça? Ah bah ça c'est une grillade qui cherche à BRNS. Et tu sais ce qu'elle dit la grillade? Oui, grillon. Oui. La BRNS qui donne du goût aux grillades. La voilà. De vos Slimans. Construction Jean-Pierre et fils, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour ajouter une dixième boule à l'atomium. Très bien. Pour la semaine prochaine. Pas de problème. Si. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hello, c'est Balloons. Je vous invite à me retrouver ce samedi 27 août à Mété lors du Beau Vélo de Ravel. Je suis heureux de partager la scène avec Suarez et le duo Fanfan. Ensemble, on va vous en mettre plein les oreilles. Rendez-vous en pleine forme ce samedi. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 27 août à Mété. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Cet été, profitez en famille des meilleurs parcs d'attractions avec des entrées gratuites dans vos journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair, La Capitale et Le Soir. Chaque samedi, une entrée gratuite à l'achat d'une entrée achetée dans un parc d'attractions. Réservez vite votre journal et amusez-vous tout l'été grâce aux journaux Sud Presse et Le Soir. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métel. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métel, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Le Monde Sauvage présente sa nouveauté 2016. Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le Monde Sauvage d'Hawaï et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Vivacité présente Stella et Machiavel dans le cadre du Yesterdayland Festival du 2 au 4 septembre à Hawaii, avec aussi Disco Party Show, Oli Socket, Daddy K, Queen Kings, 98% Maximum Soul, Thierry Luthers et un Kids Festival avec Anna ou encore les Fancy Fae. Info et tickets yesterdayland.be. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. 17h22, vous écoutez Vivacité, c'est le 5 à 7, c'est parti donc jusque 19h avec dans un instant des cadeaux à gagner. Ne bougez pas, avant ça je reviens sur l'ADH qui nous apprend aujourd'hui que plus de 400 panneaux de signalisation sont volés chez nous chaque année. Alors c'est énorme 400, mais alors il faut se dire en plus que c'est probablement un chiffre encore plus élevé puisque chaque vol de panneaux de signalisation n'est pas déclaré à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un panneau de signalisation volé? On va en parler avec Bertrand Carrois, vous êtes responsable du service de la circulation routière de la police Boréale. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors, le nombre de panneaux volés est quand même hallucinant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un panneau de signalisation? C'est pour mettre à la maison? C'est pour la déco? C'est possible que certaines personnes volent des panneaux pour décorer leur habitation, ce qui est vraiment aberrant. Mais il y a également d'autres personnes qui volent des panneaux de signalisation pour après justifier une infraction. Je vais prendre comme exemple la personne qui se fait verbaliser en agglomération. Ouais. Comme elle a été verbalisée en agglomération, après vole le panneau d'agglomération pour dire qu'il n'y avait pas de panneau. La seule différence, c'est que le policier, lorsqu'il se place pour verbaliser, donc au niveau de la vitesse, vérifie que la signalisation est correctement mise en place. Donc là, même si on le vole, ça ne sert à rien. Il a pris une photo ou alors simplement le fait qu'il déclare que le panneau était là, c'est bon? Mais déjà, le policier, donc, automatiquement, va déclarer que le panneau était là, parce que dans ses missions, il est prévu que le policier vérifie le placement de la signalisation. Donc, vous voyez, si même une personne vient après déclarer qu'il n'y avait pas de signalisation et prend des photos d'un panneau qui a été volé au préalable, ça ne sert à rien. Vous voyez, donc, je pense qu'on est d'un côté auprès de certains collectionneurs et d'un autre côté de personnes de très mauvaise foi qui veulent justifier leur bêtise au volant. On risque quelque chose à voler ou déplacer un panneau de signalisation? Alors, tout à fait, le fait de voler un panneau de signalisation, c'est s'approprier un bien qui ne vous appartient pas, donc un bien d'autrui. Vous savez, on vole l'administration communale ou la province, ça dépend un petit peu qui est propriétaire de la signalisation qui est dérobée. On ne peut pas voler un panneau de signalisation. Si on est pris en train de voler un panneau de signalisation, on sera automatiquement poursuivi par le tribunal après la rédaction d'un procès verbal. Et en même temps, ça ne doit pas être hyper facile, à moins d'être pris en flagrant délit, c'est pas évident de savoir qui a volé un panneau. Non, mais maintenant, nous prenons régulièrement des personnes qui volent des panneaux de signalisation. Vous savez, ça prend quand même un certain temps. Ah, il faut le démonter, il faut être équipé. Voilà. Ouais. Il faut être équipé pour voler le panneau de signalisation. Donc, vous imaginez bien quand un véhicule de police passe, ou même un riverain, il y a quand même des riverains qui sont conscients de cette problématique et qui téléphonent directement à la police ou qui prennent les coordonnées de la personne qui est occupée à dérober le panneau. Donc on a des informations et après enquête, on arrive à retrouver l'auteur du vol. Ça coûte cher un panneau ? Mais ça dépend la taille. Vous savez, il y a plusieurs types de panneaux. Il y a des panneaux d'indication, des panneaux d'interdiction, des panneaux de priorité. Donc tout ça, ce sont des tailles différentes. Donc il est difficile actuellement de vous donner un prix pour un panneau en général. Et donc si je vous dis un panneau, un petit CD le passage, on est à combien ? 50, 100, 200 euros ? On pourrait être en tout cas un minimum de 50 euros, je pense. Vous savez, ça coûte quand même cher. Il y a le panneau à lui-même, plus le signal peinture, qu'il faut. Tout ça, ouais. Voilà, tout à fait, le signal qu'il faut placer dessus. En plus, il y a l'ouvrier, donc l'employé de la commune ou de l'administration qui doit placer le panneau. Tout ça, ça a un coût. Donc la personne qui vole le panneau, ben, va automatiquement être poursuivie pour différents frais. Alors même si c'est pas bien qu'il faut pas le faire, Bertrand Carrois, si vous pouviez voler un panneau, votre panneau préféré, c'est lequel ? Ah ben je pense que je n'en volerai pas tout simplement parce que je ne vois pas d'intérêt à ce niveau-là. Si j'ai envie de me créer un panneau, je vais aller trouver la société, je vais faire un panneau à moi avec une phrase qui me correspond, mais je ne prendrai pas un panneau qui sert peut-être à sauver des vies. Ça, je ne voudrais pas. Eh ben c'est une bonne réponse. Bravo Bertrand Carrois. Et vous mettriez quoi comme petite phrase sur votre panneau ? Je vous le fais en direct. Oh, écoutez, je ne saurais pas vous dire comme ça, vous me prenez à froid. Mais c'est une longue phrase, parce que c'est un long panneau. Je ne saurais pas parce que vous me prenez à froid. Je ne sais pas si ça va rentrer, cette phrase. Non, je ne pense pas. Mais c'est certain que je prendrai une phrase qui me correspond et qui rêve surtout dans le sens de la sécurité routière et pas la bêtise de certains. Eh ben, merci d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt, Bertrand Carrois. Merci, pareillement. Bonne soirée. Aujourd'hui, on parle forcément encore de la température. Bah oui, il fait chaud. Oh. Est-ce que vous avez un petit souci de transpiration aujourd'hui ? Je peux vous poser la question parce que bon, si aujourd'hui on transpire pas, on ne transpirera jamais de sa vie. 3063 par SMS pour me dire si vous avez des astuces pour faire partir votre transpiration. Il y a quelqu'un qui est avec moi au téléphone. Allô, bonsoir Laurent, comment ça va ? Bonsoir Cyril, ça va bien, voilà. Laurent, dans c'est un chaud, instant. Hein ? Ah ben oui, il fait super chaud. Dans un instant, Dominique, qui travaille sur cette émission, va nous dévoiler son truc à elle pour ne pas arriver transpirante au bureau. Mais vous, quelle est votre astuce ? Bien, moi, mon astuce, bon, c'est une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais l'astuce, c'est de pouvoir boire une ou deux tasses de boisson, généralement du thé, pas trop sucré, ouais, mais très chaud, qui va couper instantanément la chaleur et la sensation de bouffée de chaleur. Ah ouais, bah, faut quand même arriver à le faire passer, le thé chaud, hein. Il faut réussir à le passer, oui, mais c'est il paraît que c'est bien meilleur que de boire des boissons fraîches, hein, parce que le froid appelle le froid, donc voilà quoi, on n'a pas la même sensation, on a toujours envie de boire, tandis qu'avec le chaud, ça coupe la, eh ben, on ça va coupe tester la sensation ça de chaleur tout de suite. On va tester ça, Laurent. Merci d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Si vous aussi, vous avez des astuces, 3063 par SMS, on fait un point dans un instant et Dominique nous dévoile son astuce juste après ça. Et il y a des cadeaux aussi à gagner ce soir. Qui va repartir avec des cadeaux, des entrées VIP pour aller à l'abbaye de Val-Dieu pour un spectacle exceptionnel le 28 août ? Ben vous, si vous envoyez VIP maintenant par SMS au 6003, bonne chance. Vous cherchez un enseignement de qualité et une promesse d'avenir, quel que soit le chemin dans le secondaire ? Saint-Louis Warem, un enseignement général, technique et en alternance. Dans une petite ville sécurisante, très facile d'accès par train et par bus, découvrez nos nombreuses options et relevez les nouveaux défis de notre société. Big Flo et Oli rejoignent l'équipe des coachs de la nouvelle saison de The Voice. Comment ces petits nouveaux vont-ils la jouer face à l'expérience de BJ Scott, la fougue de Marc Pinilla et la tchatch de Quentin Mosiman ? Le rap de Big Flo et Oli, c'est dans The Voice, en janvier sur la Une. Ça 45 secondes. Ce n'est pas assez, ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre. Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez des... Non, tu l'as pas coupé. Ah non? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Vous voyez, ça marche? Non, ça marche pas. Mais si. Non. Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Mais oui, déchaînez-vous. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15€ de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15€ de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore S-Oliver. Info sur poincaré.eu. Dans son spécial mode, Gaëlle reçoit l'influente créatrice Diane von Furstenberg. Découvrez les modèles et les tons qui ont séduit les acheteuses des boutiques, comme le chemisier à nœuds et les couleurs royales. Et pour pimenter vos looks, Gaëlle vous propose un clutch pile dans l'air du temps pour 2€ seulement. Gaëlle, vous avez tout pour vous. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Les chances de retrouver des survivants sont de plus en plus minces en Italie après le tremblement de terre. La Croix-Rouge belge lance un appel à l'aide financière pour soutenir le travail de la Croix-Rouge italienne sur place. L'association fournit des repas, des tentes, des soins depuis les premières heures du séisme. Journée record à la mer aujourd'hui. La SNCB n'avait jamais transporté autant de monde à la côte que ce jeudi. Le littoral qui connaît son meilleur été depuis 10 ans. Tout n'avait pourtant pas si bien démarré, question météo, mais l'été se termine décidément très bien. À 18h, on verra aussi s'il est autorisé de se rafraîchir dans les fontaines publiques. À Rome, c'est interdit, même sévèrement puni. Et à Bruxelles, réponse dans le journal de 18h de David Riffon. Ah bah j'ai hâte de savoir, tiens, parce que ça peut faire du bien peut-être d'aller dans une fontaine. Merci Manu, prochain point sur l'actu donc à 18h. La météo, c'est tout de suite avec Dominique. Et avec de la chaleur encore pour les jours prochains, déjà cette nuit, 19 à 21 degrés encore. Donc là, ça va rester très doux et puis demain 31-34 degrés, un peu plus frais évidemment si vous allez du côté du littoral prendre l'air. Samedi 28 à 34 degrés, encore quelques nuages mais plutôt du côté de l'ouest de la Belgique, et dimanche un peu plus de nuages encore en soirée et la possibilité d'un coup de tonnerre et toujours ce temps bien bien chaud. Bon bah c'est bien pour le week-end quand même, ça veut dire qu'on va pouvoir en profiter, ça va faire du bien juste avant la rentrée scolaire qui arrive peut-être pour vos enfants. 17h32, on part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. David Godefroy, y a-t-il encore des soucis ce soir? Eh bien, toujours des suites de cet accident sur le 25 Liège-Maastricht à hauteur de Cherat. La chaussée reste fermée en direction des Pays-Bas. Un camion est également sur le flanc sur le 42 Baptiste Prume à hauteur de Saint-Vite. Le passage s'effectue uniquement via la bande d'arrêt d'urgence. Conséquence, défile là aussi vers l'Allemagne. Perte d'huile à signaler dans l'échangeur de Grasse-Sologne, dans la bretelle reliant le 42 venant de Liège à la 604 en direction de Serein. Sur le ring de la capitale, circulation extérieure Zaventem-Grand-Bigard, ça coince. Comptez une vingtaine de minutes en plus, 20 minutes perdues aussi en circulation extérieure de Grand Bigard à Hautitre, 20 minutes également en circulation intérieure de Hautitre à Grand Bigard et 15 minutes perdues maximum sur les autres tronçons. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Attention, blind test, je vous fais un bruit, vous me devinez ce que c'est. Dominique, vous jouez? Ah oui, si vous m'invitez. Attention. Une voiture de course. Eh oui, quelle voiture exactement? Je le refais. Une voiture de course qui va vite. Oui, une voiture qui... Une F1, il y a le Grand Prix de F1 ce week-end. On va retrouver Pierre Capard qui est déjà à Spa-Francorchamps. On le retrouve dans un instant pour voir tout ce qui se passe là-bas puisque le public peut déjà se balader dans les installations Spa-Francorchamps depuis 16h. On y va dans quelques minutes. On prendra la direction d'IKEA aussi. Il y a Bram et Florian, ces deux Belges, qui se sont lancés un défi complètement dingue, passer une nuit chez IKEA. Et alors, ils se sont cachés, ils ont réussi à passer la nuit complète, tranquillement, à tester les matelas et les lits chez IKEA. On en parle dans quelques minutes sur Vivacité. On passera un petit coup de téléphone à Ophélie Fontana. Elle est dans l'actu aujourd'hui puisque, ben voilà, on sait qui ira dans le cube de Via for Life. Elle en fait partie. Elle sera très bientôt tous les jours aussi dans le 5 à 7. On verra avec elle ce qui se passe pour sa rentrée avant 18h, c'est promis. Et puis on parle aussi de la chaleur aujourd'hui, la transpiration, comment on fait pour pas être tout transpirant quand il fait parfois 37 degrés à certains endroits. Ben vous me dites ça par SMS au 3063 pour 50 centimes le message, ou alors sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Et alors Dominique, vous avez une astuce, vous, pour être toute fraîche au bureau. Ouais, alors pas d'affolement, rien d'extraordinaire, mais je trouve ça particulièrement désagréable d'arriver avec le t-shirt trempé. Ouais. Vous voyez, sans la clim de la voiture, 37 degrés. Avec la trace du dos qui a touché le fauteuil de la voiture. C'est vraiment tout mouillé. On part de chez soi tout propre et on arrive complètement déglingue, avec les cheveux déjà tout défaits, ouais, à cause des fenêtres qui sont restées ouvertes, le dos trempé. Je trouve ça vraiment particulièrement désagréable. Donc maintenant, j'ai décidé qu'il y avait un t-shirt pour la route. Je m'habille, je pars avec le t-shirt, ouais, et je change quand j'arrive dans le parking de la RTBF. Ah, c'est pas mal, ça. Ah ben, comme rendez-vous ça, dans le parking. Le t-shirt mouillé est en train de sécher dans la voiture. Vous arrivez à quelle heure? Et oh bah écoutez, je vais quand même pas vous dire. Bah qu'on donne le rendez-vous au collègue. Vous venez mater. Mais ça, la c'est fille bien. Qui se change dans le parking. Les vêtements de rechange. Mais alors, quand vous terminerez votre journée, est-ce que vous remettez votre t-shirt de route ou pas? On verra la température extérieure. A priori, non. D'accord, ok. Bah, bon. Comme, on sait. Donc, pas de parking le soir, mais l'après-midi. Un petit peu, faut... la voiture garde-robe. D'accord. Bah, si vous avez d'autres astuces, 3063 par SMS, on partage tout ça pour essayer de se donner un petit coup de frais ce soir. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Trouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Vapona, votre arme contre les insectes. Embarquement immédiat pour Seine-sur-Sambre, le festival le plus barge de l'été. Une scène flottante avec à bord Overphonic, Arnaud, Frérot de la Vega, Juliane Peretta, Emma Bell, Jali, Aminet, Suarez et bien d'autres. Les 26, 27 et 28 août sur le site de l'abbaye d'Aulnatoin. Info 070.be. Avec vous, Jupiler, Solidaris, La 2 et Vivacité. Ce dimanche, IKEA, Wilrey, Xaventem, Anderlecht et Hasselt sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos offres pour la rentrée. Plus d'infos sur IKEA.be. Spirelli Automobile. Découvrez prochainement votre nouveau Ford Store à Verviers. Pendant les travaux, nous restons ouverts et vous bénéficiez des meilleures conditions sur tous les véhicules de stock. Spirelli Automobile. Le meilleur service au meilleur prix à Liège, Trois-Ponts et Verviers. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Vivacité présente le 21e festival de théâtre de rue, rue du Bocage. 25 compagnies de théâtre de rue vous donnent rendez-vous les 27 et 28 août au centre-ville de Herve pour un festival haut en couleurs. Laissez-vous emporter par l'univers chaleureux et convivial de la rue du Bocage. Programme complet sur ruedubocage.be. Un précieux conseil pour gagner de l'argent? Vendez vos bijoux en or chez Cash Converters. Ils achètent tous vos objets en or, quel que soit leur état. Chez Cash Converters, votre or vaut de l'argent, beaucoup d'argent. Cash Converters. Vendez vite, achetez mieux. CashConverters.be. 17h, 19h, 5 à 7. Faut absolument que je vous parle de Céline Dion. Tous les fans le savent, l'album sort demain. Et alors ce week-end sur Vivacité, il y a un interview exceptionnel à retrouver, un moment exceptionnel à retrouver, puisque dans le Tip Top avec Thomas Lauridaise et tout au long de la semaine prochaine dans le Tip Top, vous allez pouvoir retrouver Céline Dion avec des interviews. Il y a des auteurs aussi qui ont bossé sur l'album. Cet album événement à découvrir sur Vivacité. Donc c'est à partir de ce samedi. Soyez là, je vous rappelle le Tip Top, le nouveau classement, c'est ce samedi entre 10h30 et 13h, soyez là. Avant de prendre des news des deux jeunes, Bram et Florian, qui ont passé la nuit chez IKEA sans rien demander à personne, on va prendre la direction de Spa-Francorchamps tout de suite. Il y a un événement ce week-end, c'est le Grand Prix, c'est ce dimanche à suivre sur les médias de la RTBF. Et il y a Pierre Capard qui est déjà sur place. Bonsoir Pierre. Bonsoir Cyril, vous faites bien la formule, ça je peux vous l'assurer. Vous voulez que j'en refasse? Attention, allez-y. Je me chauffe. Voilà. Franchement, on s'y croirait. On vous a dit que c'était dimanche ou on vous a arnaqué en vous en voyant déjà aujourd'hui, Pierre? Non, bah écoutez, vous entendez, on n'entend pas encore le bruit des moteurs, hein, les vrombissements des monoplaces, ce sera pour demain, mais aujourd'hui, il y a déjà quand même pas mal d'ambiance, pas mal d'animation ici à Francorchamps. Hein. Et alors, il y a quoi comme animation? Est-ce que les auditeurs de Vivacité peuvent arriver, par exemple, encore ce soir pour y participer à ces animations? Ça dépend. En fait, donc, ça commence demain, le Grand Prix, la course, on le sait, c'est dimanche après-midi. Ouais. Mais dès demain, les monoplaces, les bolides seront déjà sur la piste, puisqu'il y a deux séances d'essais libres, une en matinée, une l'après-midi. Il y en a une samedi matin. Samedi après-midi, il y a les qualifications. Dimanche, le Grand Prix. Mais aujourd'hui, le jeudi, eh bien, pas mal d'animation avec la possibilité, mais attention, pas pour tout le monde, uniquement pour les spectateurs qui ont acheté des billets pour les trois jours, vendredi, d'accord, samedi et dimanche, voilà, eh bien, eux sont privilégiés quelque part, ils peuvent venir aujourd'hui, la porte est ouverte, et ils peuvent, entre 16 et 18, se balader sur la piste, c'est pas mal, et surtout approcher les stars comme Vettel, Alonso, Hamilton, Rosberg, enfin, toutes les stars de la F1, les approcher pour des autographes, des photos, il y a des séances ici prévues dans les stands, donc voilà, ils sont privilégiés, mais ils ont dû acheter des tickets pour les trois jours. Et ben, ça, c'est sympa, et donc quoi, ils peuvent faire le tour du circuit à pied? Oui, enfin une portion du circuit, pas l'entièreté du circuit, mais c'est quand même sympa du côté, je ne sais pas si vous connaissez, du côté de la source, devant les, ouais, les stands des Formule 1. Et donc il y a pas mal de monde déjà aujourd'hui, puisqu'on va battre des records probablement ce week-end. On a vendu pour l'instant, tenez-vous bien, 75 000 tickets. C'est 25% d'augmentation par rapport à l'an dernier, à pareille époque. Il y a plusieurs facteurs à cela. La météo, bien entendu, même si les gens qui ont acheté leur ticket en prévente ne savaient, ouais, pas, ils encore pouvaient pas savoir, beau, ouais, hein, ce week-end-ci. Généralement, il pleut à Francorchamps pratiquement chaque année, cette année-ci ce ne sera pas le cas, mais il y a le phénomène Max Verstappen, vous connaissez, un prodige de la Formule 1, 18 ouais, ans, il est belgo-néerlandais. Pas de chance pour nous, son papa est néerlandais, sa maman est belge, elle est asseltoise dans le Limbourg, mais il a la double nationalité, mais il a choisi de rouler avec une licence néerlandaise, pas de chance pour nous, donc voilà, mais il y a quand même pas mal de supporters qui viennent pour lui, et 20 000 Hollandais, les tribunes seront oranges ce week-end, il y a énormément de Néerlandais, c'est pas très loin, qui viennent voir Max Verstappen ici dans ce Grand Prix de Belgique. Il reste encore des places là pour tous ceux qui n'en ont pas acheté, qui se diraient au dernier moment, on va aller faire un tour là-bas. Bien entendu, les guichets sont toujours ouverts. D'ailleurs, ils ont été pris d'assaut aujourd'hui. Ils seront encore ouverts ce vendredi, ce samedi et même dimanche jusqu'au départ du Grand Prix à 14h. Et à mon avis, pas mal de personnes qui étaient un peu indécises avec la météo radieuse que l'on connaît ici, ciel bleu. Il fait très beau, mais comme partout en Belgique d'ailleurs. Et donc, ça va, à mon avis, inciter pas mal de spectateurs à venir. Et puis, on espère que l'an prochain, on aura un pilote belge, hein, Stoffel Van Doorn. Ah bah oui. Il est ici comme pilote réserve. On l'a vu tout à l'heure, on l'a croisé, on a même pu l'interviewer. Il est assez cool ici, pas mal d'autographes aussi. Il y a beaucoup de supporters qui viennent pour lui, mais il ne roule pas encore. On espère vraiment que l'année prochaine, ce sera le cas ici, probablement avec l'écurie McLaren. C'est le troisième pilote de l'écurie McLaren. Et Pierre, est-ce qu'il y a déjà les hôtesses qui sont sur la grille de départ? Ah, on vous reconnaît bien là. Elles sont pas encore sur la grille de départ, mais il y en a déjà dans les paddocks. Il y en a déjà dans les paddocks. Et forcément, on le sait, il y a les strass, les paillettes, la F1, c'est un peu tout ça, hein, tout ce monde. Mais bon, voilà. C'est pour ça que vous êtes là-bas. En partie, mais il y a la conscience professionnelle, mon cher Cyril. Bien je viens sûr. Pour le sport, évidemment, pour commenter le Grand Prix dimanche après-midi. Eh bien, merci Pierre. Tout ça, ce sera à suivre, bien sûr, sur les médias de la RTBF. Et on vous entendra encore d'ici là pour nous tenir informés de tout ce qui se passe à Spa-Francorchamps. Bonne soirée, Pierre. À bientôt. À bientôt, Cyril. Au revoir. 5 à 7. Il est 17h42. Dans un instant, on va passer un petit coup de téléphone à Ophélie Fontana. On en parle beaucoup d'Ophélie aujourd'hui. Vous verrez pourquoi si vous n'avez pas suivi l'actu. Mais tout de suite, je vais vous parler de Bram et Florian. Bram et Florian, ils sont belges et ils ont décidé de se lancer un défi. Et l'idée, c'était de se cacher chez Ikea et de passer la nuit chez Ikea sans rien demander à personne. Leur vidéo a été visionnée des dizaines de milliers de fois depuis qu'ils l'ont mise en ligne sur YouTube. C'est la folie, le défi. Alors, ils ont utilisé une technique qui paraît quand même assez simple, c'est-à-dire qu'ils se sont mis dans une armoire, ils se sont cachés à la fin de la journée et puis ils ont réussi à passer la nuit. Et on les voit simplement tester les matelas pendant toute la soirée et puis le matin à repartir du magasin Ikea. Alors on va en parler de cette vidéo avec Steven De Smet. Vous êtes responsable de la communication chez Ikea Belgique. Bonsoir Steven. Bonsoir, bienvenue et merci d'être dans le 5 à 7 ce soir. Bram et Florian ont un succès fou avec cette vidéo où on les voit dormir dans un de vos magasins pendant toute une nuit. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez eu un contact avec eux ou pas? En fait, il y a un peu plus qu'un mois, ils nous ont contactés pour demander s'ils pouvaient diffuser cette vidéo. Donc on était au courant, oui, on a eu un petit contact avec eux il y a un peu plus qu'un mois. Et alors, vous leur avez dit OK pour la vidéo ? En fait, elle a demandé de ne pas le distribuer parce que, bien qu'on trouve la vidéo amusante, hein, c'est très rigolo, ils se sont bien amusés apparemment. On ne veut pas non plus inciter d'autres gens à faire ça parce que c'est une situation qui n'est pas sécure. On peut, pendant la nuit, on ne peut pas garantir la sécurité des personnes qui sont dans le bâtiment. Donc on leur a demandé de ne pas le faire, mais bon, voilà, ils ont fait la même. Quoi. Ils l'ont quand même fait. Mais c'est bien, ils vous ont demandé, ils ont attendu le nom pour quand même le faire. Est-ce que vous allez justement du coup les attaquer, les poursuivre, puisqu'ils sont rentrés dans le magasin? Alors ils pouvaient rentrer dans le magasin, ils sont allés en heure d'ouverture, mais ils ne pouvaient pas y rester. Non, pas du tout. On va pas les poursuivre. Hein. C'est une action qui était pour une fois rigolo. Et donc cette fois-ci, on va pas prendre des mesures. On va pas les poursuivre. On va pas les attaquer, bien sûr. Ah, j'entends bien le cette fois-ci. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait des petits comiques qui recommencent. Ah non, c'est comme j'ai dit, hein, c'est une situation qui n'est pas sécure, donc c'est potentiellement dangereux, donc on ne veut pas non plus que ça se reproduise. Hein, donc c'était juste ça. On voudrait pas que cette vidéo inspire encore plus de gens de faire ça dans d'autres magasins aussi. Il y a un message de Déborah de Mons au 3063 par SMS qui dit pour elle c'est un coup marketing. Vous êtes derrière ça ou pas? Pour elle? Pour oui, elle pense que c'est une pub d'IKEA. Ah non, pas du tout. Non, on n'a pas derrière. C'est une initiative, c'est des jeunes hommes. Et ben voilà, donc on n'était même pas au courant avant qu'ils ont fait. Non, pas du tout. Entre nous, Steven, ça vous a jamais titillé, ça, de passer une nuit chez Ikea? Il y a tellement de lits, il y a tellement de matelas, ça donne envie d'y rester. En fait, je pense que c'est quelque chose de quoi beaucoup de personnes rêvent. Hein. Ouais. Et notamment, on reçoit on reçoit parfois des questions des gens ou des groupes de gens qui veulent faire ça, qui nous demandent d'organiser, mais par raison, oui, si. Mais par raison de sécurité, on n'a jamais pu le faire. Mais l'année passée, je crois, il y a quelques magasins qui l'ont fait pour des collaborateurs. Oui, et puis il y avait eu un concours, je pense aussi, un moment où il était possible de passer la nuit dans un de vos magasins. Bah, en tout cas, la vidéo, je trouve qu'elle est assez drôle, elle fait bien rire tout le monde, et vous avez une image plutôt sympathique derrière, du coup, en disant que vous ne les attaquez pas. Et donc, on rappelle quand même que c'est pas à refaire. Hein. Non, exactement. On ne voudrait pas que ça se reproduise parce qu'encore une fois, c'est très rigolo, mais c'est pas sûr. On ne peut pas garantir la sécurité pendant la nuit dans les magasins, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup, Steven, d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne nuit chez vous. Vous partez du bureau. Merci. À bientôt, Steven. Au revoir. Il est 17h46. Une toute petite pause dans le 5 à 7. Et puis juste après, Ophélie Fontana sera l'invitée de cette émission. C'est aussi un peu son émission puisque aujourd'hui, ça a été annoncé. Ophélie sera tous les jours dans le 5 à 7. Et pas que, on en parle dans quelques minutes. Je vous rappelle qu'il y a des cadeaux aussi à gagner. Si vous voulez repartir avec vos deux invitations VIP pour aller voir le spectacle magnifique le 28 août à l'abbaye de Val-Dieu, il faut vous inscrire maintenant. C'est un son et lumière extraordinaire avec du mapping sur l'abbaye. Vous inscrivez, vous envoyez VIP, les trois lettres par SMS au 6003, c'est 75 centimes le message. Bonne chance! À découvrir chez Constant Warem la toute nouvelle Abarth 595. La performance est à portée de main. Admirez ses nouvelles lignes musclées et son moteur gonflé. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Tip Top, du lundi au vendredi, la quotidienne. Dès 19h, Philippe Jauniaux vous fait découvrir les coups de cœur de Vivacité, les toutes dernières nouveautés et les titres les mieux classés dans l'émission du samedi. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 1. Et samedi dès 10h30, découvrez le nouveau classement avec Thomas Lorides. Tip Top. 6 jours sur 7 sur Vivacité. 24 heures sur 24 sur vivacité.be. À Spa, le Pouhon Pierre Legrand accueille deux expositions exceptionnelles. Johann Miro, 140 œuvres, l'une des 4 plus grandes collections permanentes au monde. Et 50 œuvres du célèbre Andy Warhol. Deux artistes prestigieux. Deux expositions incontournables. À voir absolument. Renseignements, spatourisme.be. Depuis lundi, tout Louis IX est de retour. Enfin, sauf Jérôme qui n'était pas là lundi. Je dis ça, je dis rien. Et pour finir la semaine, on plonge dans le dictionnaire amoureux de la chanson française de Bertrand Dical. À la lettre C, Francis Cabrel. À la lettre C, le mot grise. Et à F, Clo-Clo. Enfin, Claude François.

Eh bien, je vous le confirme, le dernier album des Daft Punk était bien le dernier. c'est la rentrée, on performera au fur et à mesure. Bon, monsieur Sarkozy, un dernier mot. Il est évident que le vivre ensemble est menacé. Les valeurs françaises ont été bafouées au mois de juillet. Nous nous sommes attaqués sur notre territoire, humiliés. Il faut bouter tous ces gens hors de la France. Vous parlez de qui, là ? Mais des Portugais, bien sûr. Ah oui ? Pas encore. Ils viennent piquer nos petits boulots dans les campagnes. Oui, oui. Hein ? Faut-il pas qu'ils nous subtilisent la Coupe d'Europe sous nos passe-montagnes ? Oui, oui, oui. J'avais déjà été la risée du monde, victime d'un Portugais, sur votre propre sol. Hein ? À part quand M. Benkem fait des jeux de mots dans... Non, bah, écoutez, bon. Sur les diables rouges, évidemment. Mais c'est humiliant. Non, non. Hein, vous croyez que ces gens se sont intégrés, les Portugais ? N'entendez jamais parlé d'eux. Non, non, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous imaginez, ici chez vous, avec un Italien par exemple, oui. Vous l'accueillez, vous lui offrez un travail, et tout d'un coup il devient Premier ministre et vous avez l'impression qu'avec lui, c'est encore pire qu'avec tous les autres. Hein ? Ouais, non, mais bon, c'est arrivé. Mais heureusement, il ne s'agit que de foot. Et moi, on m'a dit qu'ici, vous vous en battiez les couilles. Oui, c'est vrai, oui. Mais aux armes citoyens, formez les bataillons. Ah, je suis en forme, M. Duarzé. Je vous le dis, je vais me radicaliser. Ah, ben voilà. Oh, c'est joli. Fabien Le Castel. Ah, c'est joli. Le cactus de Jérôme sera de retour demain, bien sûr, dans le 8-9, le dernier de la semaine déjà. Soyez là à partir de 8h avec Benjamin Maréchal et toute l'équipe. Viva for Life. Du 17 au 23 décembre, c'est reparti pour une nouvelle édition de Viva for Life. Alors, ça a été annoncé ce matin, il y aura Sarah. Comme l'année dernière, je repars dans ce cube de verre également en Charleroi. Et la troisième personne qui sera à nos côtés, vous la connaissez, c'est Ophélie Fontana. Bonsoir Ophélie. Salut Cyril. Ça va bien ? Super. Alors, prête pour décembre ? Ben oui, plus que jamais. Ravie de vous rejoindre dans cette incroyable aventure. C'est vrai que j'avais déjà eu l'occasion d'aller vous faire un petit coucou dans le cube et c'était fort sympa, mais ici, ce ne sera pas pareil. Ce sera bien mieux encore et je pourrai davantage m'impliquer dans le projet. Donc, c'est vraiment très enthousiasmant. Cette année, vous étiez venu avec une perruque orange, je me souviens, pour le karaoké. On va vous voir comme ça toute la semaine. Oui. Mais pourquoi pas, on verra peut-être une rose, une verte, on va changer. Ah ben une perruque de couleur. Eh ben ça c'est le premier défi de Viva for Life. Une couleur différente par jour, on fait ça ? Si ça peut vous faire plaisir, moi il n'y a pas de souci. Ah moi des perruques ça me fait vite plaisir. Vous me suivez, vous faites pareil. Hein. Ah bah écoutez, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Eh ben d'accord. D'accord. Eh ben on acte et on vérifie ça au mois de décembre. Ophélie, vous serez dans le club de Viva for Life, mais c'est pas tout. Vous serez aussi ici tous les jours. Mais oui, j'en avais pas assez de vous une fois semaine, il m'en fallait plus. Je voulais plus de Cyril. Vous veniez dans le journal des Diables, maintenant c'est terminé. Voilà. Mais par contre, nouveau rendez-vous tous les jours avec vous. Tous les jours, un rendez-vous d'actu. Cette fois, je viendrai vers la même heure que pour le journal des Diables, vers 17h40, je pense. Je viendrai vous proposer l'image du jour, l'image qui marque l'actualité de la journée, avec bien sûr les petits commentaires qui vont avec. Hein. On tapera un peu la discussion à ce sujet, avec parfois des sujets graves, on l'imagine, et on l'espère aussi par moments de bonnes nouvelles, des choses plus positives qui feront l'actualité. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite, et c'est ce que je viendrai faire tous les jours à vos côtés. Et vous serez samedi aussi sur Viva City, vous n'allez pas arrêter de travailler cette année ? Ben non, écoutez. Moi qui avais l'impression que vous ne faisiez que le journal des Diables une fois par semaine. Ah ben oui, vous êtes trompé. C'est ça, maman s'est rendu compte. Mon patron m'a dit, écoute, tu ne travailles pas assez pour ton salaire, tu vas devoir faire plus. Ben. Et donc, je vais même venir le samedi. En même temps, quand on anime un journal qui s'appelle le 15 minutes, ça sous-entend qu'on travaille que 15 minutes par jour. Donc, c'est normal qu'à un moment, ils se disent, oh là. Vous avez tout compris. Je vais enfin travailler un peu plus. Et c'est vrai que je viendrai le samedi, là, dans une toute nouvelle émission que proposent Régine Dubois et Christophe Grandjean aussi, une émission d'actualité. Et c'est finalement un peu le prolongement de ce qu'on fera ensemble, Cyril, tous les jours dans le 5 à 7, puisque là, on viendra avec Régine et Christophe sur l'actu de toute la semaine. Et là, parmi toutes les images, toutes les actualités de la semaine, j'en choisirai une. Et on reviendra, bien sûr, un peu plus en détail sur ce qui s'est passé, le choix de certaines images, le traitement de l'info à la télévision, dans les médias. Donc, on approfondira un peu plus un sujet en particulier dans cette nouvelle émission. Donc, c'est la semaine Viva, c'est comme ça que ça s'appelle. Eh ben, ce sera tous les samedis sur Viva Cité, soyez là. Exactement. Là, vous partez en vacances, donc c'est la rentrée. Vous me lâchez déjà pour ce 5 à 7 ? Oui, mais je vais revenir encore plus en forme parce que j'ai quand même un peu travaillé aussi cet été. Vous avez regardé du sport à la télé. Il y avait les chiens, oui, comme il est. Comme il est. Voilà, donc je reviens très vite. Le 5 septembre, je suis de retour, donc c'est quasi demain. Ok, on va faire quelques dodos et après vous serez là. Dites Ophélie, rien à voir avec la rentrée, aujourd'hui on parle de la transpiration. Alors je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais on cherche les astuces pour pas trop transpirer. Avec la chaleur qu'il fait, on cherche les astuces pour pas trop transpirer. Il y a quelqu'un qui nous dit, il y a Nicole de Rance qui dit, pour moi c'est facile, je reste pour rester fraîche dans ma voiture, j'ouvre le toit du cabriolet. Bah ça c'est sympa, faut en avoir un. Ouais, ça c'est pas mal. Ou alors je mets la clim. Vous avez une astuce Ophélie pour pas trop transpirer? Peut-être bon, que vous ne transpirez pas. Clim, mais par exemple ce que je fais c'est que souvent sur les sièges un peu en synthétique des voitures, on a vite chaud. Ouais. Là par exemple tout à l'heure quand j'étais dans ma voiture, je mets un petit essuie en éponge en dessous, comme ça ça absorbe un petit peu et je me trouve ça plus confortable. Voilà. Ah ça c'est pas mal, bonne astuce, voilà, le petit essuie dans la voiture. Eh ben, merci Ophélie, on va vous voir différemment maintenant. Plaisir. Vous épongez tout ça dans la voiture. Voilà, bonne je soirée. Les fesses. Et puis vous aussi. À bientôt bonne dans 5 à 7. On va faire un petit point sur la météo tout de suite. Vabona, votre arme contre les insectes. Est-ce qu'Ophélie va devoir s'éponger ce soir et demain, Dominique? Notez les astuces, hein, parce que oui, effectivement, on va encore faire bien chaud demain. 31 à 34 degrés, jusqu'à 34 degrés aussi samedi et encore dimanche. On parle de toujours ce temps et cette vague de chaleur, avec un peu plus de nuages, ceci dit, dimanche en soirée, et la possibilité d'un coup de tonnerre. Et le changement de masse d'air interviendra sans doute dans la nuit de dimanche à lundi. Eh ben, on espère que ça arrivera le plus tard possible, en tout cas. Le 5 et 7 continue juste après le journal de 18h, avec des cadeaux encore. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques instants pour vous inscrire et repartir avec vos invitations VIP pour la soirée spectacle à l'abbaye de Val-Dieu. 800 ans pour cette abbaye. Un spectacle magnifique avec Dieu, la vidéo, du son et plein de belles images à retenir. Vous inscrivez, vous envoyez VIP par SMS au 60-03. C'est 75 centimes le message. Bougez pas, on sait qui gagne juste après ça. Flo et Oli rejoignent l'équipe des coachs de la nouvelle saison de The Voice. Comment ces petits nouveaux vont-ils la jouer face à l'expérience de BJ Scott, la fougue de Marc Pinilla et la tchatch de Quentin Mosimane? Le rap de Big Flo et Oli, c'est dans The Voice, en janvier sur la Une. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Jusqu'à 34 degrés par endroit aujourd'hui, nous avons connu la journée la plus chaude de la semaine et vous avez été nombreux à prendre la direction de la mer à la recherche d'un peu d'air frais. Simon Gérard s'y est rendu pour nous. Dans ce journal également, nous serons en direct d'Italie. Les habitants des régions touchées par le terrible séisme vivent dans la crainte de nouvelles répliques et s'attendent à passer une nouvelle nuit dehors. Le bilan, lui, a été légèrement revu à la baisse. Cet après-midi, les autorités évoquent 241 morts. Dans le journal des sports, du football, de l'Europa League, ce soir, barrage retour. Trois clubs belges engagés, dont le Sporting d'Anderlecht, qui a déjà fait une bonne partie du chemin en vue de la qualification pour la phase de groupe grâce à sa victoire 0-3 la semaine dernière. C'était au Slavia Prague. Le journal sur Vivacité, c'est avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Cela ne vous a pas échappé, il a fait chaud, très chaud aujourd'hui, de 30 à 34 degrés. Nous avons connu la journée la plus chaude de la semaine. Pour trouver un peu de fraîcheur, il fallait se rendre à la côte. Mais vous êtes nombreux à avoir eu la même idée au même moment. Du coup, eh bien, il y avait pas mal de fils sur les routes ce matin. Mais une fois sur place, par contre, le mot d'ordre était profiter. Simon Gérard a rencontré quelques touristes d'un jour à la panne. Elle est comment l'eau ? Bah, elle est bonne quoi. Elle est un peu noire, mais c'est sûrement à cause du sable. Est-ce qu'elle est chaude ou froide ? Froide. Je trempe juste mes pieds dedans. C'est déjà pas mal. Puis on se rafraîchit un petit peu comme ça. Vous revenez ici de la plage avec des ustensiles, c'est quoi ? Des épuisettes. Des épuisettes pour essayer d'attraper une crevette. Et alors ? La récolte, elle a été comment ? C'est une petite sole. Une toute petite sole, la bébé. T'as récolté une petite sole ? Elle était très très belle. Et même on pouvait faire comme un aquarium de mer. Et là maintenant vous allez faire quoi ? Faire à dîner. Manger des moules. Vous allez manger des moules ? Ah oui. Voilà, bon appétit. Reportage ce matin de Simon Gérard avec Caroline Lansuert. L'Office du tourisme de Flandre occidentale, le West Tour, estime à 150 000 le nombre de touristes d'un jour présents quotidiennement sur le littoral belge. Pour l'instant, cette affluence devrait se confirmer pour le week-end. Pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller à la mer, il y a d'autres solutions. Les lacs, les étangs, les rivières, oui, mais attention, vous ne pouvez pas plonger n'importe où, Cyril. À Bruxelles, on compte par exemple de nombreux bassins ou étangs dans les parcs, mais en principe, même les bains de pied y sont interdits. Véronique Fievet a voulu savoir pourquoi. À deux pas de la place Sainte-Catherine, les bassins du Vismet font office de plage urbaine pour ces adolescentes venues chercher un peu de fraîcheur. Comme on a vraiment chaud, ben on vient à la fontaine pour se rafraîchir un peu. Il y en a qui ont les pieds dans l'eau, mais je la trouve pas très attirante, mais pas quand il fait chaud, on fait avec ce qu'on a. Elles ont les pieds dans l'eau, mais ici, comme dans tous les bassins ou les étangs de la région, c'est interdit. Ces eaux stagnantes représentent des risques bactériologiques. Benoît Willox, responsable de la gestion de l'eau chez Bruxelles Environnement. On ne risque pas grand-chose de très grave, mais néanmoins, nous, en tant que gestionnaire de l'eau, on ne peut pas garantir que si vous vous baignez, vous n'aurez pas une petite intoxication alimentaire ou une petite éruption cutanée, parce qu'effectivement, ces eaux ne sont pas faites pour se baigner. Une interdiction justifiée aussi par les risques de dégradation aux fontaines. Geoffroy Commence, échevin de l'urbanisme à Bruxelles. Ces fontaines sont très fragiles et on a souvent des tuyaux qui sont en dessous et qui peuvent être endommagés lorsque des personnes passent au-dessus. À Bruxelles, rien n'est donc prévu pour la baignade de plein air. Tout au plus, quelques places ou parcs de la capitale sont-ils équipés de jets d'eau, une eau potable cette fois. On joue dans l'eau, on s'amuse. Ces jeux d'eau sont évidemment appréciés par tous ceux qui n'ont pas la possibilité de sortir de Bruxelles pour se rendre vers les plans d'eau. Des plans d'eau en plein air, tous situés en dehors de la région. Et ces fortes chaleurs ont également eu des conséquences beaucoup plus dramatiques pour un ouvrier sur un chantier à Forchy-la-Marche, près de Charleroi, un chantier routier. L'homme a été victime d'un malaise. Son collègue et puis les secours ont tenté de le réanimer, mais sans succès, la victime est décédée sur place. À la une de l'actualité également, les suites du séisme qui a frappé l'Italie. Oui, le nouveau bilan s'établit à 241 morts, légèrement revu à la baisse ces dernières heures, mais la protection civile italienne ne se fait hélas pas trop d'illusions. Ce bilan est amené à s'alourdir encore, il pourrait dépasser celui du séisme de L'Aquila en 2009 et ses 300 morts. Les services de secours s'activent toujours pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Les habitants des régions concernées ont peur des répliques. Elles sont particulièrement nombreuses et surtout assez fortes. Ce qui, à chaque fois, laisse craindre le pire. Aline Wavreille, vous êtes notre envoyée spéciale en Italie. Aline, on vous retrouve en direct du petit village de Greciano, un des villages les plus touchés. Oui, la terre a encore tremblé ici dans le centre de l'Italie. Cette sensation bizarre d'un bateau qui tangue et autour de nous des personnes qui ont appris les bons réflexes, c'est-à-dire sortir des maisons. Tout à l'heure, après une secousse, des militaires se sont levés comme un seul homme pour quitter la terrasse où ils se ravitaillaient. Des réflexes que n'ont pas forcément eu les victimes du séisme de la nuit de mardi à mercredi. Un homme nous expliquait que son fils était dehors avec des amis quand ça s'est passé cette nuit-là et que l'un d'eux est rentré dans sa maison qui s'est ensuite écroulée sur lui. On sent que ces secousses, ça met en tout cas à cran les secours, cette terre qui continue à bouger. Il s'agit de continuer les recherches dans les décombres, mais aussi évidemment de réduire un maximum les risques pour les secours, pour les volontaires, mais aussi tout à l'heure, les policiers ont voulu nous tenir à l'écart justement du village d'Amartice qui a été très touché parce que par exemple des fissures étaient apparues sur les routes et ne cessaient de s'élargir. Donc ici, maintenant, c'est vraiment la priorité de la sécurité pour tout le monde. Merci Aline. Aline Wavreille en direct d'Italie avec les moyens techniques d'Ariane Dufresne. J'ajoute que la Croix-Rouge italienne a lancé un appel aux dons relayé par son homologue belge qui a ouvert un numéro de compte d'urgence pour les dons. Des dons uniquement financiers qui serviront à payer du matériel pour la Croix-Rouge italienne à pied d'œuvre dans les villages sinistrés. Ce numéro de compte, le voici. Il s'agit du BE 72 8x0 16 16. BE 72 8x0 16 16. Dans le reste de l'actualité, un décès dans le monde de la mode. On a appris ce matin la disparition de Sonia Riquiel, la reine du tricot. S'est éteinte à Paris à l'âge de 86 ans. Sonia Riquiel avait popularisé notamment les vêtements souples en maille, inscrivant sa mode chic et joyeuse dans le mouvement de libération du corps féminin. Bientôt la rentrée des classes. Vivacité fait aussi sa rentrée avec quelques nouvelles voix. Oui, notamment celle d'Ophélie Fontana. Vous l'entendrez chaque jour de la semaine dans votre émission, Cyril, le 5 à 7, chaque samedi aussi dans une toute nouvelle émission d'info, la semaine Viva. Et puis un peu plus tard dans l'année également, il sera toujours question d'Ophélie. Elle prendra place dans le cube de Viva for Life. Elle remplace Sébastien Nolvo et elle sera à vos côtés, Cyril, et aux côtés aussi de Sarah Depadua. Un vrai défi pour la journaliste télé. Viva for Life, c'est le début d'une nouvelle aventure, ça complètement différente, qui nous éloigne complètement de l'actu, mais qui nous mène à une réalité quotidienne. C'est ces enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une cause qui me touche, qui touche tout le monde. C'est la raison pour laquelle, en premier lieu, j'avais envie d'accepter ce défi de Viva for Life. Et puis il y avait aussi le défi professionnel. C'est quelque chose bien loin de ce que je fais au quotidien, à la fois de la télé, de la radio, complètement différent. Vivre en communauté, sans manger de nourriture solide, donc voilà, des tas de choses différentes qui font la particularité de Viva for Life. Et là, j'avais vraiment envie, pour ces deux raisons, de relever le défi, de relever le challenge, bien entouré avec Sarah et Cyril, qui sont les chevronnés de l'aventure, les vieux de la vieille entre guillemets, qui seront là pour me donner les bons conseils. Ophélie Fontana au micro de Justine Hermans. Viva for Life qui retourne à nouveau à Charleroi cette année, place de la Digue. Vous retrouverez donc Cyril, Ophélie et Sarah. Vous êtes un vieux de la vieille, elle l'a dit. Depuis oui, le cube, ce sera du 17 au 23 décembre. Et elle croit qu'on va lui donner des conseils. Non, mais elle se débrouille. Vous allez la chouchouter, elle demande. Elle demande de ne pas trop la bizuter. Ah bah écoutez, j'ai dit la bizuter. Oui, j'ai bien entendu. Le premier bizutage, c'est déjà de pas manger de solide pendant cette semaine. Ça, c'est très dur. Franchement, donc, je vous admire pour cela. Il y a déjà ça. Ce défi. Et peu dormir. Hein, globalement, six jours, six nuits sans presque dormir. Merci David pour ce journal. À très vite dans un instant le journal des sports. Là, on fait un détour par le centre Perex pour savoir comment ça se passe sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Bonjour. Oui, bonjour Cyril. Ça se passe avec pas mal de difficultés, en tout cas sur le 25 Liège-Maastricht, puisque s'est déroulé un accident à hauteur de Cherat et le passage avait uniquement vers la bande d'arrêt d'urgence en direction de Maastricht. Alors en direction de Maastricht, vous perdez 35 minutes sur le 25 et vers Liège, entre la frontière hollandaise et Cherat, vous perdez encore une bonne demi-heure également. Des ralentissements aussi tout à côté sur le 40 cette fois, vers Bruxelles, vous ralentissez à partir de Barchon, vers l'Allemagne à partir de Longsaint, vous perdez une bonne trentaine de minutes. Sur le ring de Bruxelles, toujours quelques temps de parcours assez long. 21 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 18 minutes pour l'intérieur au titre Grand Bigard, plus 17 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre. Quelques ralentissements encore à la frontière française sur le 40 Yabé-Calais à partir de Dunkerque et sur le 17 Anvers-Lille à partir d'Albeek. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Avec la carte Cora et le bon du Folder, 40% sur un article au choix au rayon papeterie. Prenez le plus cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Jérôme Elguers. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. L'horaire est plutôt inhabituel, mais le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions a débuté, là, il y a quelques minutes. Oui, habituellement, l'UEFA effectuait ce genre de tirage le vendredi midi. À cette phase de poules de la Ligue des Champions concerne évidemment le club de Bruges, les Brugeois qui sont versés dans le troisième chapeau. Pour l'instant, aucune petite boule n'a livré son verdict. Nous sommes encore dans les discours protocolaires, mais on vous tient informés, on refera un point en fin de journal. Ce soir, trois clubs belges peuvent accompagner le Standard en Europa League. A commencer par Anderlecht, les Mauves devraient se qualifier sans trop de problèmes après leur victoire 0-3 au match aller face au Slavia Prague. Mais l'entraîneur René Weiler n'est pas serein. Sa défense pose pas mal de questions entre les départs, les joueurs suspendus et les méformes de certains. Comment l'entraîneur suisse compte-t-il pallier tout ça? Ibi Brusakis a posé la question à René Weiler. On a des jeunes aussi, hein. Il faut aussi donner des occasions à des jeunes. On m'a déjà dit, oui, mais ils ne sont pas encore prêts, mais à quel moment ils vont être prêts si on ne donne pas une occasion? Ils ne peuvent pas faire des progressions avec des expériences qu'ils vont faire. Alors, on a des possibilités, je ne peux pas vous dire en détail quelle position on discute, parce qu'à la fin, c'est aussi des ponts qu'on peut réaliser, un transfert ou pas. Anderlecht Slavia Prague, c'est à suivre en direct dès 20h sur Viva. Et puis on suivra également au but par but les matchs de Genk et la Gantoise. Les Buffalo se déplacent en Macédoine à Ashkenja. Gant avait remporté le match aller 2-1. Genk jouera lui à domicile contre le Lokomotiv Zagreb. Les deux équipes avaient partagé 2-2 à l'aller. Si Anderlecht, la Gantoise et Genk décrochent leur qualification, il y aura donc 5 clubs belges en phase de poule des Coupes européennes. Et puis pour refermer ce chapitre foot, petite chaise musicale de gardien sur Radio Mercato. Le néerlandais Jasper Cillessen quitte l'Ajax pour Barcelone. Il remplacera Claudio Bravo qui va lui de Barcelone vers Manchester City, à City où le coach Pep Guardiola ne compte donc plus sur Joe Hart. Dans cette chaise musicale, reste à voir où va pouvoir se recaser le gardien anglais. Un petit mot de Formule 1, les pilotes sont arrivés à Spa aujourd'hui avec une attraction, une curiosité, un jeune petit nouveau qui va disputer son premier Grand Prix chez nous. C'est le Français Esteban Ocon. Il pilotera l'une des deux voitures de l'écurie Manor Racing. Esteban Ocon, 19 ans, va remplacer l'Indonésien Rio Haryanto en panne de sponsor jusqu'à la fin de saison. Ocon était le pilote réserve chez Renault et Mercedes et il va donc plonger dans le grand bain chez nous à Spa-Francorchamps. Pierre Capard a accueilli Esteban Ocon sur le sol belge cet après-midi. C'est super, c'est un super sentiment et de venir ici à Spa pour ma première, c'est quelque chose d'incroyable, c'est un circuit magique où j'ai fait pas mal de courses déjà depuis le début de ma carrière. Donc de le connaître, c'est aussi un grand avantage, de pouvoir être bien à la bonne vitesse tout de suite en qualif. Cet avantage, je vais le garder. Forcément, d'avoir eu de l'expérience, c'est toujours important. Ce sera quoi l'objectif, Esteban, ce week-end ? De marquer des points ? Oui, exactement. Vous êtes confiant ? Pas trop stressé ? Pas du tout stressé. Bizarrement, pas du tout stressé. Et je pense que c'est mieux comme ça. Et non, on va pousser vraiment pour pouvoir marquer des points ce week-end. Et vous l'avez dit, Spa, c'est un circuit que vous appréciez ? C'est pas la première fois que vous venez ici ? Non, c'est pas la première fois. C'est un circuit que j'apprécie. C'est un circuit où j'ai fait des très bons résultats. Et il y a un super week-end devant nous avec une très belle météo. Donc, j'ai hâte. Esteban Ocon, pilote français qui va donc disputer son tout premier Grand Prix ce week-end à Spa. Notre championne olympique Nafi Thiam a été fêtée chez elle à Rennes ce matin. Oui, devant des centaines de personnes, beaucoup d'autographes, de selfies mais aussi énormément de fierté dans le visage des habitants de cette commune namuroise. Mais malgré cette effervescence, l'entraîneur de Nafi avait un message à faire passer. Pour Roger l'Espagnard, cette médaille d'or, c'est avant tout le fruit du travail et de sacrifices. Elle a beaucoup travaillé. Il faut savoir une chose, n'est-ce pas ? Je m'adresse aux jeunes qui font du sport. C'est qu'elle habitait Rennes, évidemment. Qu'elle venait à Liège, elle allait la chercher au Guillemin vers 5h, 5h30. Elle venait s'entraîner à Némette ou à Cointe, deux ou trois fois par semaine. Moi, je venais une fois à Namur. Ça a duré quelques années. Donc, elle a quand même fait preuve de courage et d'abnégation. Où elle étudiait. Mais qu'est-ce que tu étudies ? Elle est maline, naturellement. Elle est intelligente, pas maline. Intelligente. Elle comprenait très vite. Donc, elle étudiait dans le train, en venant et en retournant. Et je suppose le week-end. Donc, elle a réussi brillamment ses études secondaires. Et maintenant, elle est partie à l'université, où elle réussit très bien aussi. Donc, ça veut dire que c'est pas plus mal de faire un peu des études le matin, sinon, elle se lèverait un peu trop tard. Parce qu'elle aime bien dormir, Anafi, vous le savez, ça. Elle aime bien dormir. La petite leçon pertinente de l'entraîneur de Nafi Thiam qui termine tout de même par de l'humour. Et pour ceux qui n'étaient pas à Rennes ce matin et qui rêvent d'approcher notre championne olympique, il faudra venir au Mémorial Van Damme dans 15 jours. Mémorial Van Damme où la fratrie Borlée va s'affronter sur 400 mètres. Kevin, Jonathan, Dylan et même Julien Watrin, les quatre membres du relais, vont disputer le 400 en individuel. En bref, encore Simon Yates remporte la sixième étape de la Vuelta. Simon, c'est le jumeau de Adam qui avait animé le Tour de France et remporté le maillot blanc du meilleur jeune. Simon Yates s'est imposé en finisseur en sortant du peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. Les Belges Yann Bakelands et Ben Hermans ont animé l'étape, mais sans succès. Hermans se termine quatrième. Le Colombien Darwin Atapuma reste leader. Précisons que les organisateurs de ce Tour d'Espagne ont présenté leurs excuses pour les chutes d'hier. Chutes notamment provoquées par un piqué non signalé en bord de route dans les derniers kilomètres. Et puis, comme hier, Cyril, on termine avec une info qui fait du bien. Est-ce que vous connaissez Piotr Malachowski ? Pas du tout. Eh bien, Piotr Malachowski, c'est un athlète polonais. Il a remporté la médaille d'argent à Rio au lancer du disque. Piotr est rentré au pays et il a décidé de mettre sa médaille aux enchères pour aider un garçon qui souffre d'un cancer. Piotr Malachowski a avoué avoir été touché par une lettre écrite par la maman du petit garçon de 4 ans. Le jeune Olek lutte depuis 2 ans contre une tumeur de la rétine. Seule une opération à New York pourrait l'aider. Le lanceur de disque polonais met donc sa médaille aux enchères et espère réunir un maximum d'argent. C'est super sympa. Les sportifs ont un grand cœur très souvent. Bravo à lui. Alors, je l'avais promis, je refais un pointage sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Eh bien, encore rien du tout. Donc, on ne sait toujours pas contre qui Bruges va jouer. Sans doute dans, boire des verres. Dans les titres de 18h30 ou à 19h. Eh ben d'accord, on fait un point là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme, d'être passé pour le Journal des Sports. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. 5 à 7. Eric est avec moi au téléphone ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Vivacité Eric. Vous êtes de Gève, c'est ça ? Oui, exact. Et vous allez prendre votre voiture de Gève pour aller jusqu'à Val-d'Yeu. On va en reparler dans un instant puisque vous êtes le grand gagnant de ce soir. Mais avant, aujourd'hui vous avez eu chaud ou pas Eric ? Très très chaud. Alors, et vous transpirez quand il fait chaud comme ça ? Ça m'arrive, disons qu'il faut prendre ses précautions pour ne pas embêter les collègues. Eh ben alors c'est quoi vos précautions ? Parce qu'on parle de ça ce soir dans l'émission. Oh, ben, en fait, c'est d'utiliser des bons déodorants qui ne sont pas agressifs pour la peau et qui permettent aussi, avec des vêtements plus amples, de pouvoir retenir. De s'aérer, quoi, voilà. Voilà. On parle de ces astuces hein, pour justement éviter la transpiration, limiter en tout cas au 3063 par SMS. Et dans un instant, on va revenir sur une info dont n'est pas des pigeons, c'était ce midi sur Vivacité, la chemise intelligente qui permet justement d'éviter d'être, de transpirer en fait, tout simplement. C'est une chemise qui est géniale à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'effort que vous voulez à l'intérieur, vous ne transpirerez pas et puis on verra quel est l'impact de la transpiration sur la peau. Est-ce que c'est bien de limiter la transpiration ou pas, on verra ça dans un instant. Est-ce que vous feriez confiance, Eric, à un chauffeur de taxi, enfin plutôt pas à un chauffeur, mais à une voiture de taxi, mais sans chauffeur à l'intérieur? Vous oseriez monter, vous, dans ce taxi? Je ne pense pas être prêt à ce genre de choses. Ça existe à Singapour, ils viennent de tester ça. On va voir si les taximans belges sont prêts à accepter ce genre de choses et puis on parlera du cocktail tendance de l'été, le frosé, ça vous parle? Ça, vous savez ce que c'est, le frosé? Alors absolument pas. Eh ben restez là, moi non plus je connaissais pas. On va en parler avant la fin de cette émission. Mais Eric, si vous êtes là, c'est avant tout parce que vous avez envoyé VIP tout à l'heure par SMS au 6003. Vous êtes notre invité pour le spectacle exceptionnel qui aura lieu à l'abbaye de Val-Dieu le 28 août prochain à 22h30. Du vidéo mapping, du son exceptionnel. Et alors plein de gens qui vont pouvoir assister à ce spectacle gratuitement, parce que l'entrée est gratuite. Mais vous, vous serez en VIP, c'est pas rien ça Eric. Yes, super, merci Vivacité. Eh ben de rien, je vous souhaite une bonne soirée Eric, à très vite sur Viva. Merci à vous aussi. Apprendre un métier, c'est le défi que vous proposent les écoles de promotion sociale FPS. Grâce à nos formations qualifiantes, vous pourrez travailler dans des domaines qui vous correspondent vraiment. Les écoles FPS vous proposent également une formation générale pour obtenir vos certificats primaires et secondaires. Inscription pour nos cours à Liège, Verviers, Ouarem et Anu dès le 25 août. Ecolefps.be. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. Ce dimanche, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter Etias survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous revenez de la mer ou des frontières luxembourgeoises et françaises, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter Etias et RTBF Mobile Info veillent sur votre retour de vacances. Etias est le meilleur assurance RC auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Ah, il est quand même très bien cet hôtel avec vue sur la mer, hein? Ouais, pas mal. Tiens, passe-moi les jumelles. Moi aussi, j'ai envie de voir la mer. Ouais. Tu veux le coquillage aussi, pour pouvoir l'entendre? One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. T'es prêt? Ouais. Alors, c'est bleu et on peut y mettre tout pour la rentrée. Allez, c'est pas difficile. Ah oui, et ça se met sur le dos. Oui. Je vois pas, non. C'est le sac de la rentrée. Chez Deleuze, ce samedi 27 août, à l'achat de minimum 50 euros, vous recevrez un chouette sac à dos Mer du Nord gratuit. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans un instant, c'est Candice Cotter qui arrive tous les soirs dans le 5 à 7. Toutes les news sur la cuisine, c'est ici que ça se passe. Juste avant, on va revenir sur la transpiration d'aujourd'hui. Peut-être que vous transpirez parce qu'il fait quand même très très chaud. On peut pas vous en vouloir aujourd'hui. Mais cette transpiration qu'on essaie peut-être de diminuer, d'atténuer, voire de cacher complètement, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça sert à quelque chose cette transpiration? Un petit indice quand même sur la réponse. On va en parler tout de suite dans le 5 à 7 sur Vivacité. Tout à l'heure, les pigeons vous parlaient d'une chemise qui permet de ne pas transpirer. Alors le docteur Dominique Tenstedt est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dermatologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. La transpiration, oui. Ça vous connaît en tant que dermato? C'est vrai parce qu'on est très souvent consulté pour des problèmes de trop de transpiration en général. Alors aujourd'hui justement, est-ce que des journées comme aujourd'hui, il faut limiter, essayer de cacher cette transpiration, ou bien comme il fait super chaud, c'est bien de transpirer beaucoup? Alors je pense que pour l'instant, quand il fait très chaud, il vaut mieux laisser la transpiration faire son effet. Et en fait, la transpiration élimine des calories. Donc c'est très bien pour le cerveau. Le cerveau a besoin que l'on transpire et qu'il n'y ait pas trop de calories emmagasinées. Ah bah ça c'est très bien. Ça veut dire que si on transpire, on fait régime? Je ne suis pas sûr que la transpiration élimine énormément vraiment de ce qu'on a trop mangé. Ça, on avait une piste. C'est dommage. Oui. Tant pis, on repassera. On peut perdre provisoirement quelques calories en transpirant très fort. Hein. C'est sûr, mais c'est de l'eau essentiellement. Donc, c'est pas vraiment des calories au sens nourriture, si vous voulez. D'accord. Et l'intérêt, en quelques mots, un petit rappel de l'utilité de cette transpiration. Alors, l'utilité, c'est justement protéger la température intérieure pour qu'elle ne monte pas trop. Si vous faites un gros effort ou si vous avez être soumis à une forte chaleur, la température de notre corps risque de monter. Or, cette température peut être toxique pour le cerveau, véritablement. Mais ça veut dire que sur des journées comme aujourd'hui, alors il faut pas mettre des antitranspirants, alors ? C'est-à-dire que les antitranspirants ne seront jamais qu'une petite partie de notre transpiration, puisque les antitranspirants se mettent essentiellement en dessous des aisselles, il faut reconnaître, mais la transpiration peut affecter tout le corps lorsqu'il fait très chaud. Oui, donc pour le reste, on laisse comme ça, et c'est très bien, c'est utile pour notre corps. Quand vous parlez de trop de transpiration, à partir de quel moment est-ce qu'on transpire trop ? Mais c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, d'une manière en général génétique, ont une tendance à avoir une transpiration excessive, ça c'est sûr. Alors ça peut être une transpiration qui est odorante ou non, bien entendu. Alors quand elle est odorante, ben, c'est gênant. Ah, c'est gênant. Et quand elle ne l'est pas et qu'elle est abondante, c'est gênant aussi, parce que avoir des auréoles en dessous des bras, ce n'est quand même pas très bien. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? On ne parle pas des journées comme aujourd'hui, je le rappelle. Bien sûr. Mais heureusement, on a quand même toute une série de possibilités et essentiellement des antitranspirants qui maintenant sont tout à fait actifs et qu'il faut rappeler sont essentiellement à base d'aluminium. Alors on a fait beaucoup de campagnes anti-aluminium, mais on sait maintenant que finalement cette molécule n'a quand même que très très très peu de danger. Donc on peut faire confiance aux antitranspirants qui contiennent de l'aluminium. Et il fait quoi cet aluminium ? On ne se met pas du papier d'aluminium sous les bras, quoi. Non. Cet aluminium, en fait, il fait que les pores des glandes sudoripares, donc là par où la transpiration s'échappe, si vous voulez, se referment véritablement, se kératinisent. Et donc, ça empêche les glandes de fonctionner. Et ça fuit par ailleurs, alors, ou pas ? Si on bouge des trous. On peut avoir une petite compensation ailleurs, c'est vrai, mais en général très faible. Et disons que ça résout la plupart des problèmes. Et ben, maintenant, certaines personnes transpirent tellement qu'il faut faire d'autres choses. Et la grande nouveauté, ce sont ces fameuses injections de botox, donc de toxines botuliques, qui calment véritablement les glandes sudoripares. Eh ben, merci pour toutes ces explications, Dr Tenstedt. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère au frais. À bientôt. Au revoir. 5 à 7. Comme tous les soirs, c'est l'heure de notre pause gourmande dans le 5 à 7. Bonsoir, Candice Cotter. Bonsoir, Cyril. Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une info insolite du monde. Ça demande un... Très beau. Du monde gastro-artistique. Parce que le gastro-artistique, oui, ça existe, Cyril, c'est un concept. Vous allez nous le dire, je suppose. Je vais vous le dire. C'est de l'art, bien sûr, dans un esprit gastronomique. En l'occurrence, ça paraît logique, mais vous allez voir qu'il y a un twist. Red Ong Yi, qui est une artiste malaisienne, elle compose des tableaux à partir de sachets de thé. Donc, selon la couleur du sachet, ceux-ci sont assemblés de façon à représenter une image. Elle a fait une œuvre qui est composée de pas moins de 20 000 sachets de thé de teintes différentes. Elle a dû aller aux toilettes. Cette phrase était... Comment vous dire ? Ça me coupe dans mon élan artistique. J'étais bien. Mais si elle a tout bu. Je me suis dit, là, ce truc va être très beau, ça va en inspirer plus d'un, et clac, il y a l'homme qui vient casser le truc. C'est quand même vachement dommage. Alors, donc, 20 000 sachets de thé de teintes différentes, on va faire comme si Cyril n'avait jamais rien dit. Un travail long de 2 mois. Cyril, là, vous pouvez dire, waouh, c'est magnifique, quel travail. Pour une œuvre de 3 mètres sur 2, waouh, c'est grand. Qui pèse 200 kilos. Comment on en arrivait à ça ? Eh bien, l'artiste buvait, pardon Cyril, 1 à 2 tasses de thé par jour afin de récolter les sachets nécessaires. On y revient clairement, malheureusement. Pour obtenir les 10 teintes différentes, elle plongeait les sachets dans des eaux à température différente et pendant un temps variable. Donc, en moyenne, imaginez 1 minute par sachet de thé. Faites le compte pour les 20 000 sachets utilisés. Ceci dit, elle a vraiment raconté sa culture au travers de son œuvre. Elle a utilisé énormément de choses différentes, pas que gastronomiques, pour faire des œuvres tout à fait improbables. En 2014, par exemple, l'acteur Jackie Chan lui avait demandé de réaliser un portrait de lui-même pour son 60e anniversaire. Elle avait utilisé pour ce portrait 64 000 baguettes chinoises. Donc imaginez. Mais c'est dingue, parce que la vidéo de son œuvre a été vue 1 800 000 fois sur YouTube. Donc c'est pas un truc anodin, c'est un truc qui est cosmique. Elle fait quelque chose mercredi soir ? Je crois qu'elle est en train de passer son temps sur les toilettes encore. Ouais, hein. Ça doit être ça. Parce que sinon, on pouvait l'inviter à un petit repas. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce sera possible. Je crois que je peux parler pour elle. Ce ne sera pas possible. Par contre, si vous avez envie, vous, de la retrouver, www.redhongyi. Red comme la couleur, Hong, HONGYY.com. Vous allez avoir tout son portfolio. Et franchement, ça fait rêver. Ah bah, n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci, Candice. Et on vous retrouve demain dans le 5 à 7. Et avant 19h dans 5 à 7, vous allez repartir avec des City Pass pour Liège. 4 City Pass, c'est-à-dire que, en gros, tout ce qu'il y a à faire à Liège, vous y aurez accès avec ce City Pass. Pour le remporter grâce au beau vélo de Ravel à 365.be et à Ciné-Télé-Revue, vous envoyez maintenant Ravel au 6003, c'est 75 centimes le message. Vous faites ça et je vous souhaite bonne chance. Juste après les titres de 18h30, on parlera de taxi à Singapour. Pourquoi là-bas? Eh bien, parce qu'ils viennent de tester les taxis sans chauffeur. Est-ce que vous oseriez monter dedans? Est-ce que les taximen belge serait prêt à laisser des voitures sans chauffeur? On voit ça dans un instant. Dis de Vos. Oui, Lemens. Est-ce que tu es prêt pour ta seconde cesse? Oh, je stresse un peu, mais... Ok, allez, complète les phrases suivantes. Carbonade, frites et... Mayonnaise. Bien. Pavé de saumon sauce. Tartare. Bien. De Vos, tu as réussi avec les félicitations de Curie. Oui. La sauce Curie qui mère toujours des points. La voilà. De Vos Lemens. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mété pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Faustaville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Envie d'un nouvel ordinateur, mais pas de tout installer? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 59 euros par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou! Vivacité La Une présente le Vourire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vourire.be. Génial, le parc du Montmauzan. Les spectacles d'otaries, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée est toujours inoubliable au Montmauzan, plaine de la Sarthe à Huy. Surfez sur montmauzan.be. Parc le Montmauzan, une montagne d'amusement. Le Wardin Rock Festival fête 20 ans de folie musicale. Avec iPhone iPhone, Ginzu, Caribbean Dundee et Joystar, Grand Georges, Odezen, The Shoes et beaucoup d'autres. Wardin Rock Festival, les 2 et 3 septembre à Bastogne. Info et tickets, wardinrock.be, avec la 2 et Vivacité. Il est 18h30, c'est l'heure de retrouver Natacha Stragier pour les titres de l'actualité. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. En Italie, un nouveau séisme d'une magnitude 4.3 a entraîné des dégâts supplémentaires dans les villages déjà fortement touchés. La protection civile a porté à 250 le nombre de victimes, prévenant toutefois qu'il pourrait encore s'aggraver. Des milliers de bénévoles et professionnels continuent à chercher sous les décombres une trace de vie aussi minime soit-elle, après une nuit apparemment pour rien. Chez nous aussi, la solidarité se met en place. La Croix-Rouge ouvre un numéro de compte pour les dons. Ils iront à la branche italienne de l'association, des dons d'argent uniquement. On entendra pourquoi à 19h. Chez nous, par cette chaleur, les piscines de plein air sont prises d'assaut. En Belgique, ces piscines publiques sont jusqu'ici toutes traitées chimiquement. À Dour, près de la frontière française, les baigneurs pourront bientôt plonger dans une piscine 100% naturelle, un étang de nage. On ira sur place dans le journal. On parle de transpiration aujourd'hui dans l'émission. On rappelle qu'avant d'aller... Alors, c'est pas en rapport avec vous, Natacha, mais avant d'aller à la piscine, la douche. Surtout dans des journées comme ça. Oui, monsieur. Non, parce qu'il y a des gens qui le font pas et après on se baigne dans tout ça, c'est dégueulasse. Merci. Et ne faites pas pipi dedans non plus. Non, mais aussi, non, ben voilà, non, ça on fait pas non plus. Merci Natacha, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. C'est la météo tout de suite avec Dominique. Avec un temps estival qui va se poursuivre encore demain, 31 à 34 degrés. Pareil pour samedi, 28 à 34 degrés. Et puis dimanche, toujours de la chaleur, mais un peu plus de nuages en soirée et la possibilité d'un coup de tonnerre. Tiens, Céline, c'est quoi votre truc à vous? On échange nos petits trucs aujourd'hui pour rester frais en période de canicule. Eh bien, en fait, je prends le vent. C'est-à-dire que quand je suis en voiture, je passe. Non, mais je roule. Et alors, j'essaie d'aérer pour mettre ma chemise ou mon t-shirt de façon à ce que l'air rentre par la manche. Et du coup, ça aère tout le corps. Ah, d'accord. Donc, c'est spécial à voir, mais c'est assez efficace. D'accord. Vraiment. Voilà. Il faut bien viser, quoi. Bah, exactement, mais j'ai développé ça depuis des années. Si vous aussi, vous avez des astuces pour lutter contre la transpiration quand il fait chaud comme aujourd'hui, 3063 par SMS, on vous attend. On part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info. On va retrouver Pierre Collard-Bovie. Il a peut-être une astuce transpiration aussi. Ouais, bah, j'ai la même que la vôtre, par la manche. Ah, ben bah, ça marche bien. Ah, voilà. Ça marche on très est bien. On est copains d'astuces. Sur les routes, ça se passe comment, Pierre? Bah, écoutez, certains doivent peut-être avoir chaud dans leur voiture, puisque c'est toujours un problème sur le 25 Liège-Maastricht, après, à hauteur de Charat, après un camion, un accident avec un camion et une caravane. Le passage s'est effectué du jour uniquement via la bande d'arrêt d'urgence en direction de Maastricht. Sur le 25, donc, vers Maastricht, vous perdez 35 minutes à partir de Juppy. Et vers Liège, vous êtes également ralenti entre la frontière hollandaise et Cherat. Et là, vous perdez une trentaine de minutes un peu au-dessus, en hauteur, sur l'autoroute 40, vers Bruxelles. À partir de Barchamps, vous êtes ralenti. Et vous perdez également 30 minutes vers l'Allemagne à partir de Loncin. Sur le ring de Bruxelles, eh bien, circulation encore relativement dense à l'heure qu'il est. 28 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 19 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 17 minutes pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Quant au poste frontière français, ben vous ralentissez encore un peu sur le 40 Yabec-Calais à partir de Dunkerque et un peu sur le 17 Anvers-Lille à partir d'Albec. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7 avec Cyril. Bah, Joe le taxi va faire la tête. Parce que Joe le taxi, il prend les courses. Mais à Singapour, on vient de lancer un taxi, une voiture de taxi qui fonctionne sans chauffeur. Alors c'est en test pour le moment. Mais l'idée, c'est que vous commandez votre course par une application. La voiture, elle sait où vous trouvez. Elle vient vous chercher et puis elle vous dépose. Tout ça sans personne à l'intérieur. C'est développé à Singapour, c'est testé pour le moment. Ça devrait prochainement arriver aux États-Unis. Mais si ça arrivait chez nous, comment réagiraient les taximans? On va en parler tout de suite sur Vivacité avec un invité dans ce 5 à 7 ce soir qui travaille pour la Fédération Belge des Taxis. Vous êtes le secrétaire général. Bonsoir Sam Bouchal. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors, vous avez vu cette info sur Singapour avec des chauffeurs, des voitures sans chauffeur. On pourrait imaginer ça en Belgique parce qu'on sait que vous avez été déjà très énervé sur Uber dernièrement et encore maintenant. Est-ce que ça, cette idée vous plaît ou pas? Écoutez, la voiture sans chauffeur ou le taxi sans chauffeur, on en parle déjà depuis pas mal de temps. Hein. Bon, Google a fait ses essais, Tesla, d'autres marques aussi. Je pense que régulièrement, on a un effet d'annonce. La société dont vous parlez à Taïwan, donc New Autonomy a fait effectivement des tests. J'ai regardé. Bon, il faut savoir que ce ne sont pas des tests en milieu urbain. Hein. C'est un peu comme ce que Google fait en Californie, c'est-à-dire que ça se limite à un périmètre où il n'y a pas d'autres véhicules qui circulent sur la route que les véhicules en question. D'autre part, ils estiment que ça pourrait arriver pour 2018. Hein, ça pourrait arriver. Toutefois, bon, le métier de chauffeur de taxi, vous savez, c'est tout professionnel vous le dira, c'est pas un métier où on se limite à appuyer sur le gaz et à tourner le volant. C'est un métier de service, le métier de chauffeur de taxi. Hein, donc, il y a toutes sortes de services qui sont annexes à simplement conduire. Hein, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper de nos clients, éventuellement de leurs bagages quand ils en ont, de personnes à mobilité réduite, puisque nous avons une centaine de véhicules à Bruxelles qui sont équipés pour les personnes à mobilité réduite. Sincèrement, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais je pense que ce n'est pas pour demain le taxi autonome, je ne pense pas. Hein, puis, d'autre vous part, croyez que les gens auraient une réticence à monter dans une voiture sans chauffeur? Bah, écoutez, si on en juge par... prenons par exemple le pilote automatique pour ce qui concerne l'aviation. Bon, le pilote automatique a été inventé en 1912. Bah, écoutez, aujourd'hui, en 2016, on est 104 ans plus tard, il y a toujours deux pilotes dans l'avion. Je ne pense pas que... je ne sais pas si vous monteriez dans un avion où il n'y a pas de pilote. Je ne sais pas maintenant si les gens monteraient dans un véhicule où il n'y a pas de chauffeur à bord. Vous savez, les tests qui ont été faits en milieu urbain et dans la circulation réelle, qu'on connaît jusqu'à présent, que ce soit de la part de Google, de Tesla ou même de Volvo, lorsque la voiture de Google est sortie en milieu urbain, c'était au mois de février, elle a quand même rencontré la dure réalité d'une priorité de droite avec un bus. Le Tesla, bon, c'est moins drôle. Ça s'est très mal passé puisqu'il s'agit d'accidents mortels. Donc pour l'instant, vu le nombre de véhicules qui ont été mis sur la route, je veux dire proportionnellement, il y a quand même encore, on peut dire, beaucoup trop de risques et d'accidents. On a de la marge avant que ça arrive. Je pense qu'on a encore de la marge. Évidemment, la technologie ne cesse d'avancer dans les voitures. Hein, ça, c'est un fait. Et la technologie, nous en profitons, nous, hein, les taxis. C'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique et pour nous et pour nos clients. Mais sincèrement, proprement dit, le véhicule qui va rouler tout seul en milieu urbain, je ne pense pas qu'on verra ça demain. Et vous pensez pas qu'on attaque un peu souvent votre profession entre Uber et maintenant Newtonomy qui veut mettre des taxis sans chauffeur? Vous croyez que le métier de chauffeur va perdurer, qu'on vous attaque pas un peu tout le temps là? Bah écoutez, vous savez, Uber, bon, ça c'est un tout autre dossier, hein, puisque bon, on est sur des problèmes purement légaux. Oui. Ici, ça reste une alternative aux taxis dits traditionnels. Oui, officiel. Oui. Vous parlez d'Uber. Oui, oui. Non, mais ici aussi, voilà. Oui, mais ici, écoutez, si ce sont des sociétés de taxi qui sont dûment licenciées pour faire leur métier de taxi, hein, ce qui n'est pas le cas d'Uber, donc ne mélangeons pas tout. Si ce sont des sociétés de taxi qui sont dûment licenciées pour faire le métier de chauffeur de taxi, il faudra encore régler tous les problèmes d'ordre légal et législatif, c'est-à-dire à savoir, est-ce qu'on peut donner un permis de chauffeur de taxi à une voiture. Une machine. On ne devient pas chauffeur de taxi en allant demander à l'administration un permis spécial. Il faut quand même passer un certain nombre de tests. Et je ne sais pas. Bon, peut-être que la machine le réussirait, peut-être. Hein, je ne sais pas. Mais voilà. Je pense qu'on est quand même encore juste. On est encore, je pense, dans l'ordre de l'annonce, puisque bon, c'est régulier, hein, depuis 2013, on parle régulièrement de « c'est pour demain ». Mais c'est pas pour demain quand même. Je pense que c'est pas pour demain, et de toute façon, vous savez, la profession de taxi, bah, c'est une profession qui accompagne son temps, hein, donc on s'adapte donc à toutes les évolutions techniques qui peuvent apparaître. Et puis je voudrais encore juste vous rappeler que le métier de chauffeur de taxi, ce n'est pas appuyer sur le gaz et tourner le volant. Il y a des services à rendre à sa clientèle. Vous savez, quand un client débarque de l'aéroport ou d'une grande gare, la première des choses c'est qu'il voit, c'est le chauffeur de taxi. C'est vrai. Et donc, effectivement, il y a heureusement encore plein de chauffeurs qui font ça très très bien. Je vous remercie de le souligner. Mais il y en a. Non, c'est vrai, pas tous. Bah, vous savez, c'est comme dans tous les métiers. Hein. Si la perfection était à 100% dans tous les métiers, on serait tous heureux. Malheureusement, c'est vrai que. Mais on essaye en tout cas de faire le mieux possible notre métier. Donc je vous disais. Merci. Oui. Voilà, le métier de chauffeur de taxi est un métier de service. Et très honnêtement, je pense qu'on est ici pas dans la science-fiction, mais dans l'annonce. Et il y a encore un petit peu de temps avant que ça arrive. Je pense qu'il y a encore un petit peu de temps. Et aussi le fait que les gens acceptent de monter dans un véhicule où il n'y a personne à part eux dans le véhicule pour diriger le véhicule. Vous savez, on a parlé des accidents qu'il y a eu sur la route avec Google, Tesla ou Volvo. Il y a aussi eu, malheureusement, un véhicule Rover qui avait été piraté. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ce n'est pas encore totalement sûr, je pense, que pour en parler sérieusement. Eh bien, merci pour vos précisions, Sam Bouchal. Je vous souhaite une excellente soirée. Il est l'heure tout de suite, dans le 5 à 7, de retrouver le tip top, j'allais les dire. Ça, c'est à 19h. Il est l'heure de retrouver Marc Toesca. C'est Pop Story, l'histoire de vos hits. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Il y a tout juste 20 ans et pour la première fois de sa carrière, Céline Dion devenait numéro 1 des ventes planétaires grâce à Falling Into You, son 16e album et 4e en langue anglaise. C'est le disque de tous les records et de toutes les récompenses. Awardisé, oscarisé, il culmine au sommet des tops et des charts aux États-Unis, en Angleterre, Australie, Belgique, Norvège ou Brésil. Et chez nous, bien sûr, propulsé par cette reprise de All By Myself. Restera l'année Céline Dion. Une page se tourne définitivement sur la jeune artiste aux chignons choucroutés et aux allures un peu maladroites qui, de sa voix, déjà magnétisait les foules. J'ai vraiment hâte que vous puissiez la rencontrer. Elle a une voix absolument magnifique. En quelques semaines, Falling Into You se vendra à plus de 32 millions d'exemplaires et se classe désormais parmi les plus gros cartons de l'histoire de l'industrie musicale avec pas moins de 8 titres sortis en single, dont Because You Love Me, sacrée chanson de l'année en 1997. Alors que les prix et les récompenses s'accumulent, Céline Dion, élevée au rang de star planétaire, reste disponible et fidèle en amitié. Consécration suprême, elle est invitée à chanter devant plus de 3 milliards de téléspectateurs lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta, entre la légende Ray Charles et la divine Jessie Norman. Falling Into You est alors numéro 1 à peu près partout dans le monde. I'm falling into you. Modestement, en France, Céline Dion est nominée 3 fois aux Victoires de la Musique. Sacrée artiste francophone, sa chanson « Pour que tu m'aimes encore » remporte tous les suffrages. Pour l'interprète et Jean-Jacques Goldman, le faiseur de tubes, 1996 restera donc comme l'année de la reconnaissance et de la consécration. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau. Ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout ça fait las, les amours s'y passent. Il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion restera la chanson de l'année 1996. Pop Story. L'histoire des hits. Alors j'écoute, tu m'as resté. Vous avez eu chaud aujourd'hui, vous avez envie de vous rafraîchir, alors pourquoi pas prendre le cocktail tendance de cet été, il s'appelle le Frosé. Est-ce que vous savez ce que c'est le Frosé? Bah si pas, restez bien là. Il y aura les enfants de cœur aussi avant 19h et puis toujours votre City Pass pour Liège à gagner. C'est 4 City Pass même, ça veut dire que vous pouvez faire tout ce qu'il y a à voir à Liège. Bah simplement, on vous invite à le faire, tout ça grâce au beau vélo de Ravel à 365.be et au ciné-télé-revue. Pour vous inscrire, vous envoyez Ravel, R-A-V-E-L au 6003 pour 75 centimes le message, vous faites ça maintenant et dans quelques minutes, c'est gagné. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine équipée? Et si nous la concevions ensemble? Design fonctionnel et parfaitement équipé. Cuisson à induction, four multifonction, lave-vaisselle intégrée. Ego vous offre jusqu'à 2500 euros de remise sur l'électroménager. Conditions sur ego.be. Ego, la cuisine de ma vie. Delta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Beaudenier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18 h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Depuis lundi, tout le 8-9 est de retour. Enfin, sauf Jérôme qui n'était pas là lundi. Je dis ça, je dis rien. Et pour finir la semaine, on plonge dans le dictionnaire amoureux de la chanson française de Bertrand Dical. À la lettre C, Francis Cabrel. À la lettre C, le mot grise. Et à F, Clo-Clo, enfin Claude François. Ou dans F, fric. Bref, c'est toute la chanson française en indico. Si votre télé fonctionne, allumez la une télé ce vendredi. Je suis le gay avec une chemise noire. Avec Benjamin Maréchal, Vivacité présente le 21e festival de théâtre de rue, rue du Bocage. 25 compagnies de théâtre de rue vous donnent rendez-vous les 27 et 28 août au centre-ville de Herve pour un festival haut en couleur. Laissez-vous emporter par l'univers chaleureux et convivial de la rue du Bocage. Programme complet sur ruedubocage.be. 17h, 19h, 5 à 7. Je fais pas un petit peu soif ce soir, là, 18h47, on a eu plus de 34 degrés pendant la journée, on a envie de se rafraîchir, se détendre. Il y a le cocktail qui a été élu la boisson officielle de l'été 2016 par les magazines Bon Appétit et Vogue. Ce cocktail, je vous le dis, il s'appelle le Frosé. On va en parler tout de suite avec Étienne Devaux, vous êtes barman spécialisé en cocktail de laboratoire. On reviendra sur cette spécialité dans un instant. Bonsoir Étienne. Bonsoir Cyril. Bienvenue bonsoir dans le 5 auditeurs. À 7. Le Frosé, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler ? Oui, oui, oui. Donc, c'est la boisson de l'été, apparemment. Un cocktail rafraîchissant, je vais dire, qui est joli et en même temps qui associe des fraises et du vin rosé. Alors, justement, la recette, il faut du rosé, il faut 30 centilitres d'eau, du sucre, des fraises, du citron et alors un petit peu de brin de menthe pour décorer. Et alors, quand on mélange tout ça, il va y avoir un côté glacé, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Eh ben, c'est sympa, donc c'est frais. Ça fait un espèce de petit granité alcoolisé, quoi. C'est tout à fait ça. Donc, il faut être un petit peu patient ou alors anticiper la préparation parce qu'il faut, bien sûr, refroidir le rosé avant de pouvoir le mixer. C'est ça. Donc, soit on le met dans un bac à glaçons, alors, pour en faire de la glace, ou alors on rajoute de la glace pilée au mélange. C'est bien ça. Maintenant, il existe un autre système que je maîtrise, qui est la carboglace, qui est un glaçon qui va accélérer le refroidissement. Ah oui, c'est quoi la carboglace ? Donc la carboglace, c'est un dioxyde de carbone qui est à l'état solide. C'est un petit glaçon qui fume, on l'appelle dry ice en anglais. Ouais. Donc comme cette boisson vient des États-Unis, ben, voilà, j'utilise le mot dry ice. Bah c'est bien, ça fait. Et alors, c'est un glaçon qui est à moins 78 degrés. Ah oui, c'est froid ça. C'est extrêmement froid, oui. Mais ça se trouve où ça ? On trouve pas ça n'importe où. On peut trouver ça dans les laboratoires, chez des producteurs de gaz ou... Ah oui, d'accord. Je vais dire dans un rayon spécialisé. Alors Étienne, vous êtes spécialisé en cocktail de laboratoire, justement. C'est-à-dire que vous faites des trucs un peu impressionnants, le glaçon qui fume, des cocktails qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Ce soir, avec la température qu'il y a, si vous deviez sortir un cocktail, le truc vraiment impressionnant et bon, ce serait quoi ? Donc moi, ma spécialité, c'est la fiole de laboratoire. Ouais. Donc c'est un cocktail qui va s'adapter en fonction de la cible, si c'est un homme, si c'est une femme ou si c'est pour un événement ou pour créer la tendance autour d'un logo. Donc là il y a un choix de couleurs. D'abord je joue sur le visuel. Ouais. Et alors sur le côté attractif en ajoutant, je vais dire, de la cuisine moléculaire à la fiole. C'est-à-dire que je vais faire une suspension de petites billes. Qui vont, à l'aide du CO2, je vais dire, monter et descendre dans la fiole. D'accord. Et puis, c'est un cocktail vivant, quoi. C'est un cocktail amusant, vivant et assez frais. Et je conseille un vin blanc, ouais, avec des petites billes de citron. Ah, ça doit être bon, ça, ouais. Un petit peu de mousseux et un petit peu de Sprite, par exemple. Ah ouais. Ah bah le mélange, il donne envie, en tout cas. Bon, tout le monde ne peut pas avoir les petites billes de citron à la maison, ça c'est le problème. Mais alors, éventuellement, on peut faire appel à vous. Bien sûr. Ah bah comment donc on fait c'est assez simple à mettre en place, c'est une technique de sphérification. Ouais. On peut trouver les réactifs en pharmacie, c'est de l'alginate de sodium et du lactate de calcium. D'accord. Et en faisant, je vais dire, deux solutions, une solution de lactate et une solution d'alginate, on parvient à l'aide d'une petite pipette ou d'une seringue à faire du goutte à goutte pour, je vais dire, emprisonner le liquide dans un voile solide. Ah bah c'est impressionnant ça. J'imagine la soirée avec les copains. Je vous sers quoi à boire? Du lactate de sodium, c'est ça? Allez hop, je vous... ça peut impressionner quand même quand on invite des gens, hein. Ben, c'est impressionnant et c'est ça qui fait un petit peu le laboratoire EEDX. Eh donc ben. C'est une association de cocktails et de sciences. Et eh ben voilà, le message il est passé. C'est une bonne idée pour se rafraîchir et en plus s'amuser en même temps. Merci Étienne Deveau d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Il y a un site internet éventuellement, on peut retrouver des infos, des recettes et tout ça? Oui, donc il y a le laboratoire EEDX, donc EEDX sur Facebook. D'accord. Et alors, j'ai aussi un blog sur Blogspot, donc le laboratoire EEDX. Tout simplement, Blogspot. On tape oui. ça sur Blogspot. Merci Étienne d'être passé ce soir. À bientôt et bon merci apéro. À bientôt. Dans un instant, c'est les enfants de cœur qui arrivent, le best-of avec Jean-Michel de Benoze qui sera là. Mais tout de suite, on prend la direction de l'Embussard chez Pietro. Bonsoir Pietro. Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Impeccable. Pas trop chaud? Non, nickel. Ah bah alors ça va. J'aime bien quand il fait chaud, Ah bah aujourd'hui vous êtes au top alors Pietro. Ah ouais, moi il peut faire comme ça toute l'année. Bah rassurez-vous, ça va déjà être comme ça jusqu'au week-end. Pietro, vous êtes, vous êtes notre invité à Liège, puisque vous allez gagner 4 entrées, 4 city pass en fait, pour aller visiter la ville de Liège. Ça c'est sympa hein. C'est super, c'est génial, Il y a plein de choses à faire et avec ce City Pass, vous pourrez accéder à vraiment tous les sites importants de Liège. Vous allez pouvoir y accéder et faire ça en famille ou entre amis. Vous allez avec qui vous voulez, Pietro, d'accord? Ok. Vous emmenez qui? Vous pouvez nous dire ou c'est un secret? Oh, je crois que je vais plutôt prendre dans ma famille. Ah bon. Je pense à mon filleul déjà. Ah bah, il a 26 ans, mais bon. Mais il n'y a pas d'âge pour aller visiter Liège. Avec sa petite copine aussi, on va aller faire un tour là-bas. Quoi. Ah, ça peut être bien sympathique. Je vous souhaite une excellente soirée. Bien, c'est... Voilà. Okay, ah bah, merci très bien. Bonne soirée, amusez-vous bien et bonne visite de Liège aussi. Alors. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. On remet ça demain dans l'émission, bien sûr. Encore des cadeaux à gagner grâce au beau vélo de Ravel. Et vous en gagnez aussi sur le site vivacité.be. Je rappelle que le beau vélo de Ravel sera à Mété ce week-end. Les infos donc sur notre site. Voici tout de suite Jean-Michel de Benezet dans le best-of des enfants de cœur. Les enfants de cœur. Oh, moi c'est Jean-Michel. Qu'est-ce qui va m'arriver? On va changer un peu de rythme, hein? On va se calmer, hein? Ouais. C'est parce que quand j'ai dit à mon amie du mardi que je venais dans un hall omnisport, elle m'a dit, toi dans un hall omnisport? C'est un peu comme un flamand dans une bibliothèque ou un vrai chanteur à The Voice. Pas simple. Sinon, il m'en est encore arrivé une bonne. Je sortais d'un magasin de sport. Pas pour moi, hein. Non, moi, ça c'est caisse, c'est fini, hein. Mais alors, je vois une femme qui était là au bord du trottoir et, comment dirais-je, une femme... Elle avait une robe jaune qu'on aurait dit que le jaune avait été inventé pour elle, en fait. Et, comment pourrais-je dire poliment, on voyait bien que dans sa vie, elle avait mangé plus de poté que de yaourt. Elle tenait la route. Elle était au bord du trottoir. Je dis, vous attendez pour traverser? Non, non, qu'elle me dit, j'attends mon mari, il doit me prendre. En voiture, hein. Et alors, attendez, savez-vous. Je vieillis un peu, Et alors, il doit me prendre. Et elle attendait, et puis voilà une voiture qui passe et qui ne s'arrête pas. Et elle me regarde, elle me dit, il ne m'a pas vu. Moi, j'ai pensé, si l'homme ne l'a pas vu, la première chose qu'il doit faire, c'est ne plus jamais conduire de sa vie. Hein. Parce que ça, c'est pas possible. Hein. Et alors, moi, je voulais la consoler, je lui ai dit... Ben, il ne vous a peut-être pas reconnu. Monsieur, qu'elle me dit, on est mariés depuis 38 ans. Je pense entre moi-même, c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas arrêté. Il s'est dit que ça suffisait comme ça. Mais alors, je veux lui dire une dernière chose quand même pour la rassurer. Je lui dis, oui, mais si ça se trouve, il regardait à l'autre coin, il s'est trompé de coin. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Le coin en face, il y avait un magasin de lingerie féminine. Elle me dit, ah, c'est comme ça, eh bien, il va m'entendre, elle, soir. Elle est partie. Je sens qu'il va passer une soirée difficile, hein, l'homme. Et il va se demander pourquoi, en plus. Ce sera un peu à cause de moi, voyez. Même quand je veux faire du bien, moi, ça foire. Je ne sais pas ce que j'ai pour un lutin au-dessus de moi, mais un jour, j'aurai deux mots à lui dire, hein, celui-là, parce que, à Pépinster ou ailleurs, là, il a quand même tout dit que ça quoi qu'il ne va n'est, hein. Jean-Michel de Bénezet. Le répondeur des enfants de cœur écoute vos confessions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au 070 222 660. 070 222 660. Et voilà qui clôture ce 5 à 7 pour aujourd'hui. La soirée, elle va être très bonne. Il y a du sport qui arrive tout à l'heure. Et puis avant ça, c'est le tip-top. Philippe Jolliot, bonsoir Philippe. Salut Cyril. Vous avez pas trop chaud aujourd'hui? Bah écoutez, je suis venu juste il y a 5 minutes. Là. J'évite le bureau quand il fait trop chaud. Ah bah je fais c'est du télétravail. Ah bah c'est très bien, ça, c'est une c'est bonne bien idée. Comme ça, hein. Il vient quand il fait frais, il est intelligent. Bah voilà. Et en studio, c'est top, c'est la course à la clim. À demain, Cyril. À demain, bonne soirée. On arrive avec Julien Doré juste après les infos. Le lac 17e dans le tip-top. Sauvage présente sa nouveauté 2016. Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le monde sauvage des Wai et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Son spécial mode, Gaëlle reçoit l'influente créatrice Diane von Furstenberg. Découvrez les modèles et les tons qui ont séduit les acheteuses des boutiques, comme le chemisier à nœuds et les couleurs royales. Et pour pimenter vos looks, Gaëlle vous propose un clutch pile dans l'air du temps pour 2 euros seulement. Gaëlle, vous avez tout pour vous. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Il est 19h. Natacha Stragé, bonsoir. 250 morts, c'est le dernier bilan du tremblement de terre qui a frappé le centre de l'Italie. Les équipes de secours continuent de s'activer dans les décombres. Selon des responsables locaux, le bilan n'est toujours que provisoire. Il est probable qu'il risque de s'aggraver et dépasser celui du séisme qui avait touché la région de L'Aquila en 2009, qui avait fait plus de 300 morts. Cet après-midi, une forte réplique a provoqué la panique chez les rescapés et la chute de pierre du clocher de l'église d'Amatrice. Les secouristes ont couru se mettre à l'abri. La Croix-Rouge de Belgique lance un appel aux dons et met en place un numéro de compte. Tout ira à la Croix-Rouge italienne, comme l'explique la porte-parole de l'aile belge de l'association, Nancy Ferroni. La démarche, c'est de soutenir la Croix-Rouge italienne qui a lancé un appel aux dons à la fois matériels en Italie.